À Bordeaux, vous écoutez O2 Radio sur 91.3. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 4, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct, on est parti pour 1h30 de jeux vidéo et de bonne humeur comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien chez vous de l'autre côté du transistor. Moi, patate de malade. Ça, c'est parce que j'ai fait la sieste dans l'après-midi, comme un pépé. Et puis le mec, il dort 15-20 minutes, et puis après, c'est parti jusqu'au bout de la nuit, quoi. Eh, mais ça, c'est que veux-tu, c'est les personnes âgées, voilà. En plus, j'ai fait la sieste devant le stream de Bibine. Ah. Je vous explique pas, quoi. C'est une bonne sieste, ça va. Ouais, c'était pas mal. Franchement, je me suis réveillé pour bannir un mec. Oh. Tu vois, comme quoi le mec il dort que sur une oreille. Oh. D'ailleurs, faudra qu'on débriefe cette expression ensemble, dormir sur ses deux oreilles. J'essaye, j'y arrive pas, quoi. C'est un truc de ouf. Ça me rappelle un porno. Non, enfin. Ouais. Ah non, c'était dormir sur ses deux couilles. Voilà. Non, c'est pas pareil, mon goustique. C'est le remastered, pardon. Et oui, c'est le remastered. C'est bien ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Hein. Ici, ça va, franchement. Comme d'habitude, on va se faire toutes les nouveaux jeux vidéo de la semaine. On va se faire le test de The Witness, tiens. Le sympathique The Witness. Franchement, il prend la tête un peu à force. Mais c'est pas mal. On va tout vous dire dans un instant. On va débriefer aussi la bêta de The Division pour paraphraser. Dès que j'utilise des mots compliqués, moi c'est la cata. Pour paraphraser un petit peu notre goustique national, et ben c'est une bonne surprise. Sincèrement, et je pense qu'Eiki, je pense que ça va lui plaire parce qu'il était un peu mitigé et tout, il savait pas trop quoi en penser. Et au final, je pense qu'il va kiffer. Bref, on va s'écouter du son aussi. À la nuit, on s'écoute Ayam avec Bouge la tête, bouge la oh oh. Ah ouais. Je kiffe ce morceau. Ouais, ça va faire zizir. Puis à 20h, on s'écoute Fat Rat avec White Fall. Yes, it is. Ça va l'anglais, ça passe? Ça passe nickel. Bon, c'est cool. Comme d'habitude, on est en direct sur Twitch. En même temps, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. On est en direct et en image. Si vous voulez nous voir en vrai dans les studios, il y a déjà un petit peu de monde. Il y a la Michael du Geek qui est là. Il y a Lollipop. Il y a Outremer. Il y avait quelqu'un d'autre. Et je me rappelle plus de son pseudo. Attendez, je vais. Hop. C'est Zboop Deluxe. Voilà, qu'on embrasse. Oh, joli. Un pseudo Zboop magnifique. Deluxe. Ce groupe de luxe, n'hésitez pas à laisser des messages, on lira tout en direct. N'hésitez pas à faire pareil sur Facebook et Twitter, moi je dirai tout en direct. Et puis je sais pas s'il est à l'écoute là, mais normalement il y a John qui va nous appeler un peu après 19h30, après le Scud, parce qu'on a joué avec lui à la bêta de The Division, et puis il voulait nous donner un petit peu son avis aussi. Et si vous avez pu la tester, n'hésitez pas à réagir en direct. Moi, je dirai tout sur Twitter, sur Twitch, sur Facebook. Envoyez-moi une lettre, envoyez-moi un pigeon voyageur. Passez par la cheminée, enfin, faites votre vie, vous savez faire. Bref, évidemment non, je ne suis pas seul. Il y a une avalanche de grippe qui est tombée sur l'équipe. Donc, Kogu n'est pas là ce soir. Cet après-midi, je leur disais ça hors antenne. On était en chat. Et moi je l'imaginais trop avec un bonnet, une bouillotte et le thermomètre dans la bouche, tu vois. Il était au bout du rouleau, quoi. Avec la petite tisane. C'est ça. Non, il était au bout du rouleau, donc on l'embrasse, je pense qu'il nous écoute. Bisous Papours, bisous. Et puis Eiki pareil, hein. Eiki il a du boulot. Je crois que c'est un de ceux qui bossent le plus dans l'équipe pour de vrai. On le charrie beaucoup parce qu'il vient pas tous les mardis, mais c'est vrai que voilà, il fait des études dans le jeu vidéo en plus. Il peut pas être là tout le temps. Bon, on l'embrasse. Il sera là mardi prochain. Et mardi prochain, pendant que j'y pense, normalement, on va introniser notre Tagazu national. Et puis on le fera pour Kogu aussi. Donc on a préparé toute une cérémonie parce qu'il y a voilà, ils vont rejoindre l'équipe officiellement. Et donc on fera ça en image et en audio bien sûr, parce qu'on est une émission de radio à la base. Mais voilà, vous allez voir, on va bien rigoler. J'ai préparé un discours, mesdames, messieurs. Ouh là un là truc là. De dingue. Alors mais carrément. Ça sent la saucissonnade. Et puis, avant de les présenter, Goustique nous quitte aussi à la fin du mois. Oui. Et oui, donc, oui. On fera une émission spéciale Belgique, mesdames, messieurs. Ça s'appellera La Voix juste une fois. Voilà. La voix. Juste une fois la voix. Juste une fois la voix. La juste une fois du geek. C'est ça, exactement. Donc, on fera une spéciale Belgique. On va essayer de trouver des studios belges. On va essayer de trouver des jeux vidéo qui ont été créés en Belgique. On va faire une spéciale Belgique. Y a pas de souci. Voilà, vous savez tout. Ça va être une émission qui va sentir bon la friture et la fricadelle. Et puis, ils sont là. Tiens, on en parlait à l'instant. Y a notre goustique qui est là. Comment ça va, mon poulet? comment te dire, essoufflé déjà. Alors essoufflé, oui, parce que C'est parce qu'avant l'émission, en fait, il se met la bande son de The Maniac Maniac. Et il saute sur place comme ça. Mais écoute, je suis chafouin parce que. Qu'est-ce qui t'arrive là? Il s'est passé un truc improbable ce week-end. En fait, c'est alors. Comme vous savez, je suis un amateur de comics, de bandes dessinées à gogo. La semaine dernière, il y a eu le Festival International de la BD d'Angoulême. Ouais. Voilà. Et comme à chaque fois, ce festival permet de rencontrer des illustrateurs, des scénaristes, et qui permet aussi de se faire éditer par des grandes éditions de BD françaises et internationales. Ouais, et puis t'as quand même un prix, c'est quand même le... Oui, et en plus, comme chaque année, il y a un prix, un peu comme les Césars, les Oscars, qui récompense le milieu de la bande dessinée. Et ben, il s'est avéré que cette cérémonie ne s'est pas passée comme prévu. Alors peut-être que je pense que vous avez vu sur les tweets de Yanda ou de quoi que ce soit qu'on embrasse au passage. Oui, carrément. En fait, si vous voulez, cette année, cette cérémonie a été vraiment une catacombe, vraiment un manque de respect total. Je vais vous expliquer un petit peu les faits. Oui, oui, carrément. En fait, si vous voulez, la cérémonie a été animée par un animateur de chez Nova. Donc ouais. Monsieur Richard Guettet, si je dis pas trop de bêtises. Attendez, je regarde ma fiche entre temps. C'est tellement professionnel en pleine émission de radio. Mais c'est ça qui est bon. Richard Guettet, eh ben oui. Eh ben qu'on embrasse pas pour qu'on le embrasse coup. Pas, qui peut aller se faire foutre ce petit poivron. Et ce petit poivron. Voilà, voilà. L'amical Duguay va comprendre pourquoi. Voilà, en fait, si vous voulez, la cérémonie commence. Donc ça permet de donner des prix à des maisons d'édition, à des illustrateurs, à des scénaristes de la BD. Donc cette personne là, donne les noms. Donc machin, un tel et tout. Donc tout le monde est content, ils appellent les proches et tout. Ouais, c'est génial. Ouais, j'ai gagné. J'ai gagné ce prix. Et là au dernier moment, l'animateur dit: "Bon, on va passer au vrai prix maintenant parce que c'était une farce." Wow. Voilà. Alors apparemment pour lui, c'était de l'humour. Alors je pense qu'on n'a pas le même humour, gars, parce que honnêtement, tu ne fais pas ça à la BD d'Angoulême. Alors soit si c'était préparé, tu vois, un petit peu à l'avance comme les Gérard, un petit peu comme les César, les Oscars, un petit peu de second degré. Là, c'était tellement sérieux parce que voilà, il y a des mecs mais qui triment à mort et le milieu de la BD, c'est hardcore pour se faire une place. Bah pour en vivre quoi. Pour en vivre, pour se faire éditer aussi parce qu'il y a les gros à côté, hein, tout ce qui est Astérix, Lucky Luke et j'en passe. Et là, le fait de dire que ce n'est pas toi le gagnant, mais j'ai appelé ça le syndrome Judith Godrèche en fait. D'ailleurs, c'est un vieux truc qui s'est passé. Judith Godiche qui s'est passé dans les années 90. En fait, Vanessa Paradis avait dit Judith Godrèche par accident et en fait, c'était une autre actrice. Voilà. Mais sauf que là. Au festival d'Angoulême, c'était fait exprès. Ouais, il a fait exprès, le mec. Il a fait exprès. C'était prémédité, comme on dit dans le milieu du grand banditisme. Et ça me rappelle même récemment, excuse-moi de t'avoir coupé, tu sais, l'histoire du présentateur aux Miss États-Unis, Univers, Miss Univers, qui s'est implanté. Oui. Qui dit que c'est toi qui as gagné. En fait, non, c'en est une autre, quoi. Ah merde. Ah oui, oui. Voilà. Je me dis, est-ce que le mec a pas voulu faire pareil? Enfin, c'est du bad buzz. Ben ouais, mais bon. Parce qu'il a été viré en plus. Ah oui, le mec a été viré, enfin il a été lynché de tout le monde, de toute la profession de la BD, il a fait ses excuses dans Le Monde, oui c'était une blague, c'était enfantin. Et ce qui est le plus alarmant dans cette histoire, c'est que normalement une cérémonie, il y a une répétition générale pour voir tout se passe bien, et en fait, les gars de l'organisation du festival d'Angoulême ont été évincés de la remise des prix. Donc les mecs qui innovent pour ce festival, ils sont barrés de, enfin on leur dit non, écoutez, vous vous occupez pas de la remise des prix, alors que d'habitude c'est eux qui s'en occupent. Et ensuite, ils n'ont jamais rencontré cet animateur. Donc pour dire, sort d'où ce gars? Mais ce mec est un animateur. C'est un imposteur. Donc c'est Richard Guettet qui travaille sur Nova et je pense qu'il va plus travailler, il va aller à Pôle Emploi. Je pense qu'il y a un poste à pourvoir. Voilà. Je fais de suite mon CV, ma lettre de motivation. Voilà, il tenait une émission de culture et littéraire et musicale. Culture et blague. Ouais, bon, même texte, il aurait fait mieux à la place. Mais voilà, bon, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un manque de respect mais total, et puis sachant aussi qu'il y avait un humour assez un petit peu vaseux et un peu raciste envers des Japonais et des Allemands, il y avait enfin un humour un peu sexiste aussi. Il y a eu une captation de cette c'est filmé. J'ai essayé de rechercher sur YouTube, j'ai pas trouvé. Il y a eu juste une des vidéos officielles d'Angoulême, genre la ministre de la Culture qui arrive à la BD d'Angoulême. J'ai essayé de faire ma petite enquête, tu vois, et je n'ai absolument rien trouvé. T'imagines le mec, quoi, mais il a un humour de merde. Tu sais, il est médecin, quoi. Bonjour, bonjour docteur. Bon alors, mes résultats? Eh ben, vous avez le sida. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais c'est voilà. Trop ça. C'est moi, franchement, honnêtement, moi, ça m'a... J'étais mais vraiment abasourdi, quoi. Je fais ça. En fait, ça, en plus, c'est un truc qui me tient à cœur, quoi. Tu vois, la BD et le fait de penser aux personnes, tu vois, qui ont trimé pour faire cette BD pour qu'elle sorte au bout de tant d'années et qu'au final on te dit ah ben en fait c'était une blague, bah voilà, t'as un peu le gros seum quoi. Alors est-ce que il avait choisi ses cibles, par exemple s'il trouvait une BD mauvaise, il va dire je vais faire semblant que c'est elle qui a gagné, ou c'était au hasard? Non, c'était pas, enfin ces BD là en fait étaient dans la liste des palmas, enfin étaient dans la liste des nommés. Et du coup voilà, il a fait ça au pif, bah machin, je lui donnais un prix machin et tout. Il y a eu d'autres polémiques par rapport aussi le fait que il y a très peu de noms féminins dans la liste des nominés de la Festival de la BD d'Angoulême, mais ça dure depuis des années. Et même il y a un auteur, Riyad Satouf, qui a demandé, j'aime beaucoup son nom, j'aime beaucoup Satouf, qui a demandé de sortir de la liste pour laisser la place à une voilà, une illustratrice ou une scénariste, parce que il trouve que voilà, il y a pas assez de nanas dans le milieu bande dessinée, alors qu'on a eu Elsa Chartier il y a quelques mois. Mais pour oui, dans l'émission. Loop, dans l'émission. Voilà, faut pas dire que la BD ça se résume qu'aux gamins, qu'aux mecs, hein, voilà, qu'aux bonhommes. Et il y a ben, des femmes, pas cru, tu vois. Il y a des femmes très talentueuses qui peuvent faire mieux que les gars. Voilà. Yes. Et donc, ben moi, franchement, ça mérite un ou général. Voilà. Espèce de biatch. Donc Richard Guettet va bien te faire foutre. Voilà. Yes. Je suis désolé. Tiens, et puis alors, c'est Zirlock qui nous rejoint. Tiens, salut à toi. Bienvenue. Et puis Dandy est là, tiens. Parce que Gusty, quand on faisait la présentation, il s'est lancé dans son truc. Ah oui, putain, c'est vrai. Alors, j'allais faire ma news. Eh ben, moi, je vais très bien. Très, très bien. Toujours en train de jouer, avec toi, mon cher Infernal. Alors, Dandy, c'est mon compagnon d'infortune sur The Witness, avec des feuilles et tout, en train de dessiner des schémas. Ah ouais, non, mais clairement. Non, mais c'est vrai que c'est captivant, clairement. Vraiment. Ouais, c'est un truc Moi, je vous ai suivi tout le long des streams et c'est vraiment captivant. Alors, en plus, bon, c'est ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas expliqué, mais moi, je regardais le stream avec 30 secondes de décalage par rapport à ta diffusion en temps réel sur la partie. Alors c'est un peu dur à comprendre comme ça, mais si vous voulez, nous on se parle en direct. Voilà, et moi je regardais le résultat donc du stream, le visu, mais avec 30 secondes de décalage. Donc entre ce qu'il faisait et ce que moi je voyais, il y avait tout le temps du décalage. Donc quand il me disait je suis bloqué là, je devais attendre 30 secondes. Et mais alors un casse-tête déjà le jeu en lui-même. Mais alors ça rajoute un niveau de difficulté supplémentaire quand tu joues avec 30 secondes de décalage. Et donc du coup voilà, quand l'Infernal n'arrivait pas à faire ces petits casse-têtes, mais au final j'étais derrière moi avec ma feuille et mon papier, et alors je faisais des grilles, je me dis écoute, on va passer par la gauche, par la droite, et là où on n'arrivait pas à se comprendre, c'est que moi je partais du principe où ma grille elle bougeait pas, elle restait toujours en direction du nord, donc je lui dis t'avances vers le haut, après oui, tu prends à gauche, tu prends à droite, et lui il me dit mais non, mais prends-le comme un plan, il mais dit, oui, tu prends la deuxième à droite, la deuxième à gauche, mais moi je lui dis mais non, parce que quand je regarde moi c'est à gauche, en haut, en bas, mais il me dit mais non, il me dit c'est gauche ou droite. Mais oui, mais moi mon personnage il se déplace dans l'espace. Bah c'est ça, alors moi du coup j'essayais de bouger ma feuille, bah, mais après il me fallait ça. Mais je me disais mais putain, alors attends, il faut que je réfléchisse, parce que dans ce sens-là maintenant c'est plus gauche, ça devient droite. On va faire la carte au trésor la en gros, prochaine. On va s'inscrire à Pékin Express avec Dandy. Mais ils sont pas rentrés, ils sont toujours là-bas. Pas sorti du studio de la production. On a fait la vidéo de présentation. Salut, bonjour. Et puis on les a jamais revus. Ils sont même pas partis. Parce qu'on les attend à Bangladesh là. Hein, donc ah non, ils sont toujours à Paris. Voilà, là. Non, c'était très cool. Et puis voilà. Après, on s'est fait la petite bêta de The Division dont on parlera tout à l'heure. Ouais, mais les deux bandes de salauds. Les deux jeux, on va rentrer dans les détails. Du gros miam. Carrément. Eh ben, si vous avez. Bon, et toi alors. Eh ben moi, pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, je suis en train de platiner Fat Princess. Heureusement que je l'ai noté, tu vois. Il m'en manque un ou deux. Je fais ça avec Bibi, on se marre beaucoup. Je vous le conseille. En plus, il était à 9€ récemment. Franchement, c'est un bon petit délire en coop. Je fais ça, je fais le platine. Et puis, sinon, c'est à peu près tout. Si, je voulais juste, faire encore un grand merci au Meldorn qui nous a accueillis la semaine dernière. Ouais, merci à vous, les gars. Retour merci. À la normale. On est dans les studios, là, ce soir. C'est un grand moment. Un direct de l'extérieur. C'était notre première. Un gros foufou, Ouais, on a bien rigolé. Alors, il y avait plein de réglages à faire qu'on a trouvé. Donc maintenant, le prochain direct, normalement, ça devrait aller. Pour le plaisir de vos oreilles, ce soir, vous pouvez nous écouter en montant le son très fort. Carrément. Normalement, sur le stream, ça va, là. Normalement, le son est nickel. Ah ouais. Puis sur la bande FM et puis audioradio.net, normalement, tout marche bien. Enfin, voilà. Puis j'ai joué à The Witness et The Division. Voilà. Bon, allez, tiens, je vais commencer les news. On a appris quelques petits trucs. Il y a Warner Bros, tiens, qui avait tweeté en début de matinée, je crois, ou dans la matinée, qu'ils allaient faire une grosse annonce d'une des plus grosses licences mondiales de jeux vidéo. Attention, quoi, ils sont hyper... Tu vois, ils y vont pas avec le dos de la fourchette, comme on dit. Et donc, en gros, ils nous ont annoncé Lego Star Wars 7. Donc, pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas. Eh ben j'ai une news justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Allez, vas-y. Alors, je sais pas si vous êtes au courant depuis la sortie donc de Star Wars 7, Le Réveil de la Force, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécial sur C3PO ? Oui. Quoi ? Le bras rouge. Qu'il a voilà. fisté Anne Romanoff. Pas mal. oui, alors effectivement, ce bras rouge qui fait assez fureur donc sur les forums de l'internet, comme on dit. Tout simplement parce que beaucoup de gens, de par le lien amical qu'a le réalisateur donc de Star Wars et en plus Hideo Kojima. Donc J.J. Abrams, J.J. Abrams et Hideo Kojima, ils font des bisous. Ils font des petits bisous. Et donc beaucoup de personnes se sont dit, mais est-ce que ça serait pas un petit clin d'œil à Metal Gear, ce bras rouge? Ouais, c'est ça que... serait beaucoup quand même. Alors attends, attention, parce que jusqu'à présent c'était des rumeurs, mais comme ça, évasives. Maintenant, suite à l'annonce que tu as faite, donc comme quoi il allait avoir Lego Star Wars Le Réveil de la Force qui sort en juin, il faut savoir qu'il y a eu une image du pack, donc du contenu exclusif aux consoles PlayStation. Dans cette image, tu vois donc le nom de ce pack spécial qui s'appelle Phantom... The first Romanian. Il s'appelle Phantom Limb Level Pack et ça veut dire littéralement le membre fantôme. Le membre fantôme. Donc comme on embrasse tous les membres qui nous écoutent ainsi que tous les fantômes. Casper, je t'embrasse. Donc comme Phantom Pain. Casper, tu rendras mes slips. Bon bah voilà, je fais plus mal. Oh là là. Ouais, j'aime bien faire ça, c'est cool. En deux ans, t'as l'habitude enfin. donc je disais Phantom Pain qui était le nom de Metal Gear. Là, beaucoup de personnes se disent non, c'est pas possible, là c'est trop gros pour être vrai en fait. Donc effectivement, Phantom Limb ferait référence à au jeu Metal Gear Phantom Pain, même si aujourd'hui ni Hideo Kojima ni J.J. Abrams n'a dit quoi que ce soit là-dessus. Voilà, il y a quand même un gros buzz. Ouais. Voilà. J'espère que. Mais moi, ça, je trouve que ça serait cool, hein, si c'était le cas. Ouais, mais bon. Why not, hein. Bah, oui, après. C'est cool. Mais parce que c'est un putain de mystère. Pourquoi il a ce bras rouge, ces 3PO? Et. Bah, c'est un clin d'œil. Que la réponse, ça soit juste, c'est un clin d'œil, machin. Bah, enfin, c'est cool. Eh bien, non, mes chers amis. Ah, parce que. Et nous avons Anne Romanoff en ligne. Parce que. J'ai eu Michel Drucker hier, il a eu Anne Romanoff. Non, je déconne. En fait, si vous voulez, pourquoi tant de mystère sur ce fist sanglant? C'est qu'en fait, il va y avoir un comics qui va arriver au mois d'octobre, je pense, et qui va vous expliquer pourquoi cette 3PO a eu le bras rouge. Ah, voilà. C'est vrai? Mais bah, donc, non, ça sera vrai. Pas expliqué dans les films? Bah peut-être, mais après ils ont dit qu'il y aura un comics, un hors-série où ils vont parler de C3PO, donc entre l'épisode 6 et l'épisode 7, et il va vous expliquer pourquoi il a eu ce fameux bras rouge. Bon, ça se trouve ce sera comme Metal Gear, hein, le mec a le bras arraché, ils l'ont remplacé par un bras rouge. Oui, bah, sachant que C3PO, il s'est fait démembrer dans plusieurs des films. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, tu sais, il se retrouve en pièces détachées et tout. Elle s'est comme Anne Romanoff. Comme ouais, bah alors pas pour personne. Après, c'est une soirée animée chez Michou. Elle est belle la soirée. Oh, putain, elle est bleue. Elle s'est fait démonter par le chien de Drucker. Bon, je vais continuer aussi sur Star Wars. Ah, on en finit plus, ça y est. Ouais, et puis sur une plus ou moins une bonne nouvelle, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a eu un projet auparavant, un open world sur les chasseurs de primes. Un open world, ouais, voilà. Open world. Yes it is. En fait, le projet Star Wars 13-13, en fait, qui a été annulé par Lucas en lui-même, et puis après, avec le rachat de Disney en 2012, il y a eu renversement de situation. Merci. Oui. Et du coup, Ye Games est en train de travailler sur un Star Wars et il y a du gros nom. Il y a du dos parce que il y a Jade Raymond. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, présidente de Ubisoft. Ouais, et qui est productrice de certains Assassin's Creed, notamment le Unity, le premier, le 2, et aussi qui était à la production sur Splinter Cell Blacklist, qui a quitté Ubisoft Toronto il y a 2 ans et qui a rejoint Ye Games. Et nous avons aussi Amy Henning qui n'est autre que la scénariste de Uncharted et de Jack et Dexter. Attention, il y a du gros. Voilà, donc on a il y a eu quelques mois, il y a eu une offre d'emploi sur LinkedIn qui recherchait sur LinkedIn. Excusez de mon accent franglish. voilà, tu vois, ça va être pire quand il va partir en Belgique. Ah bah alors là, je te dis c'est parce que j'ai regardé Star Wars. C'est pour ça que j'ai regardé la guerre des étoiles juste une fois. Bouffe-moi la frette. Oh mon dieu. François Damien s'en t'embrasse. Et du coup, voilà, en fait, ils sont en train de travailler sur ce fameux open world. On connaît pas encore la date parce qu'en fait, depuis le bilan économique de EA Games qui est pas très bon en fait. Sérieux? Ouais, malgré il est pas top. Malgré qu'il voilà, il y a des FIFA. C'est eux, Battlefront. Oui, mais tu vois, un Battlefront et un jeu de foot, ça suffit pas pour renflouer les caisses, tu vois, apparemment. Ouais. Et du coup, ben, ils font un petit peu leur petite chatte. Ouais, mais Battlefront, attention, hein, ça a dû leur coûter pognon aussi. Oui, c'est vrai. Du coup, de base, ce jeu devait sortir en fait en 2017, mais par rapport aux chiffres qui a été pas trop positive, ils vont plutôt miser sur le prochain Mass Effect et sur Titanfall 2, qui sortiront en 2017. Ouais, ouais, ouais. Et après 2017, ils retravailleront sur ce jeu Star Wars avec Jad Redmond et Amy Henning. Et autre chose aussi, je sais pas si vous l'avez vu il y a quelques jours sur le site Star Wars Commando République, il y a eu un compteur avec date, jour, heure et minute qui correspond plus ou moins à l'E3. Donc peut-être un prochain Star Wars Commando République. On a eu des informations peut-être qu'il sortira en novembre 2017. Eh bien... Donc de toute façon, je pense qu'ils vont jouer un petit peu sur la hype de Star Wars jusqu'en 2020 quoi. Ils sont obligés hein. vu le milliard qu'il y a eu là, ils ont atteint 2 milliards de recettes mondiales Star Wars 7. Truc de ouf. Et sachez que voilà, il y a 9 films, entre-temps il y a les spin-off et apparemment le PDG de Disney a dit que il y aura plus de Star Wars après le Star Wars 9. Donc, oh là là là là. Alors moi ça me fait un peu peur honnêtement. Non, carrément. Et il y a l'amical du geek tiens sur le stream, n'hésitez pas à nous laisser des messages hein, Facebook, Twitter, tout ça. Qui nous dit, et je comprends pas le terme, en même temps, C3PO, c'est le worst perso de Star Wars. C'est le pire. C'est le pire. D'accord, ok. Ok, voilà, c'est noté. Hein. Donc voilà, on apprend l'anglais aussi sur les émissions de La Voix du Geek. Le pire, ok, ça marche. Allez, moi j'enchaîne, tiens, avec un jeu Ghostbuster, pourquoi pas. Le film est prévu pour cet été, mi-août, je crois. Oui, cet été, ça ouais. va être le bon blockbuster de l'été ou pas, sachant que c'est un remake des épisodes, des films des années 80, mais avec des nanas. Alors pourquoi pas? Oui. Mais alors est-ce qu'il y a Sigourney Weaver de là-dedans? Je sais pas. Ça m'étonnerait. Parce que ça aurait, ouais. franchement, ça aurait été. Alors oui, pour jouer la carte carrément du ouais. remake. C'est ça. Ouais. Ça franchement, je trouverais ça cool quoi. Il y a un petit clin d'œil par rapport aux deux ou trois films, je ne sais plus. Deux films. Deux. Il y en a deux. Deux films pardon, excusez-moi. Et why not? Après, ça peut être un bon truc hein. Ouais. Alors après, un jeu Ghostbuster, donc il en existe quelques-uns. Il y en avait un qui était sorti sur PS3, il me semble. Ouais. Non, deux. Il y en avait deux. Il y en avait un que j'aimais beaucoup et que j'aimerais beaucoup revoir moi. C'est dans l'esprit d'un hack and slash, donc comme Diablo vu du dessus, et on incarnait un peu comme Magica. Tu vois, tu tirais les rayons, fallait pas croiser les flux et tout, et c'était pas si mal. Je trouve que c'est un jeu qui s'y prête bien. Ouais. Enfin, c'est une licence qui s'y prête bien. Tu vois, t'es quatre, ça pourrait être très sympa ça. Ou un FPS à la Battlefront. T'imagines? Luigi's Mansion. Ouais, why not? Un peu dans le délire. Ça peut être pour l'instant, on sait pas à quoi il va ressembler, quoi, mais ça peut être cool quand même. Ça peut être sympa. Moi, j'aime beaucoup cette licence. Voilà. Alors, moi, oh à mon Dieu. Tour, attention. Si je vous parle d'alcool, si je vous parle de prostituée. Ouais, si on a dit qu'on parlait pas de la vie perso, quoi. Si je vous parle de financement participatif. DSK. À quoi, à quoi pensez-vous? Bah, moi je sais, donc voilà. Toi aussi tu sais. Je le sais, donc j'essaie de jouer de, okay. pas, de pas. Alors savoir. Je vais dire. Mais donc, quel je vais vous parler de Ant Simulator. Alors Ant Simulator, on est sur de l'anglais là encore, je vais vous le traduire. Ça veut dire simulateur de fourmis. Oh oui. Et ça parce on que, avait effectivement hâte. Sur Kickstarter, il y a eu un projet participatif qui a vu le jour. C'est un jeu sur Ant-Man? Non, sur une fourmi tout court. Ah où, d'accord. Okay. Tu galopes dans ton gazon, tu vas dans les galeries, etc. Et en fait, ce jeu a quand même eu une petite vague de hype parce qu'il y a eu $4,000 de données. Donc ah, pour c'est le tout. $4,000 quand même. Ah oui, non, parce qu'on en parlait hors antenne et moi je m'attendais à. Ah oui, non, ah oui, bon, je comprends mieux. Il oui, y a oui. quand même eu $4,000 de données. Sauf qu'en fait, alors il y avait des précommandes aussi possibles. Donc il y a des gens qui ont déjà précommandé le jeu. Sauf qu'en fait, voilà, comme je vous l'ai dit dans l'intitulé, ces $4,000 ont servi à ces chers messieurs à se payer mucho alcohol, mucho prostituate et biachas. Donc voilà, les mecs... Ah si, tu veux la sauce biachas? Ah oui. Oh, le tequila, paso. Dans la tequila, dans la... Voilà. Donc en gros, ouais non mais voilà, on en parlait, mais je veux qu'on en parle quand même. On en parle hors antenne. Ouais, mais ouais. Kickstarter, ils font pas attention à ça, parce que sinon moi demain je lance un Kickstarter puis je finance mes vacances quoi. Non mais clairement. Si, bah parce que bon là du coup il y a une demande de remboursement, tu te doutes bien, pour tous les gens qui ont déjà précommandé. Et d'ailleurs c'est là où je vais t'inviter à appuyer sur le petit bouton. Eh ben non. Il y a le créateur du mec, enfin le créateur du mec du jeu, qui a publié donc une vidéo sur YouTube d'excuses expliquant une vidéo de la soirée. Voilà, GoPro, l'investissement quoi. De vos 4 000 $. Non voilà, il a fait une vidéo pour s'excuser. Donc on vous l'a publié en temps réel maintenant, right now, sur la page Facebook de La Voix du Geek. Écoutez-la pendant le disque. Et ouais voilà, vous pourrez l'écouter pendant le disque. Dans 4 minutes on s'écoute Ayam avec Bouge la tête. Et tout simplement en fait le truc on sait pas forcément dès le début, on voit juste le pognon que les gens ont gaspillé dedans. Mais genre Thug Life, t'es, regardez, t'sais, ils font une pyramide avec les 4 000 $ et tout. Genre, t'sais, avec les billets et tout, ils se frottent et tout. C'est les mecs qui pètent les plombs. Fuck les fourmis. Le mec, il a fait le Kickstarter, t'sais, genre, il a appelé Pizza Hut, il a acheté 10 pizzas, c'est un déglingo, oh, il a demandé le double de sauce piquante et tout. C'est... La sauce bien sûr, ça suffit. Oh, le gros délire. Alors, et attends, donc, attends, oui. Parce qu'on se fout de ma gueule, là. On fait meilleure imitation d'un proton pack ever, l'infernal. C'était pas ça, non? Je sais pas. Si. L'amical du geek nous dit 4 000 $, l'infernal, il se l'est fait en une soirée. Oui, mais alors là, faut pas rentrer dans les détails, ça. Oh, le c'était en une soirée. Les 4 000 $ sont partis en une soirée, justement. Ah et, oui. Et en fait, le truc qui est, on va dire, marrant, c'est pas vraiment marrant, mais ils étaient 3 mecs. Y en a un, il s'est barré parce qu'il s'est dit, oula, putain, ça sent la merde. Tu sais, il s'est réveillé le lendemain matin, il s'est dit, oulala, les gars, ils sont où les 4 000? Ah, ben, tu vois, la pute là, et ben voilà, c'est dedans. Bon, mais du coup, il a dit, ben, je me barre, je vous laisse tout seul, les gars. Par contre, il a pris soin, avec son autre collègue, qui s'est aussi barré, de signer un contrat, donc, tous les trois, où ils ont dit, toi, le gars qui reste tout seul, qui va assumer tes conneries, interdiction de sortir le jeu sans nous. Si jamais tu peux le faire, tu ne le sors pas. C'était pas les trois qui ont fait la teuf, c'en était un seul. Si, c'était trois. Ah oui. Mais il y en a deux qui sont barrés parce que c'est des flippettes, et ils ont fait un truc, et c'est légal, hein, le mec tout seul, qui assume le reste, a pas le droit de sortir le jeu parce que c'était l'idée des trois. Ils ont dit même si t'arrives à retomber sur tes pattes, ben le jeu tu le laisses tomber parce que c'était notre idée à tous les trois. Ben il se ben, il est baisé dans. Voilà. Oh donc, oui. Il est dans ce que le baiser. Tu vois, moi ça me rappelle une vidéo en fait. C'était un groupe de DJ français en fait. Ils avaient sorti tu sais le clip Baby. Tu sais c'est des nanas qui marchaient le long des rues de Paris. Elles étaient à poil en fait. Toi, ça me dit rien. Ça avait créé un buzz en fait. Et du coup ils avaient gagné de l'argent. Et l'argent qu'ils avaient récolté sur le single, ils ont fait un clip en mode troisième personne et ils dépensaient l'argent dans un séjour aux États-Unis et ils revenaient à Paris avec juste 10 € et puis ils ont balancé le pont d'Alexandre III en fait. Et c'est okay. Voilà. Donc voilà, c'est bon. C'est assez bizarre. Bon, on a fini de parler de Kickstarter, on va parler de Barbie. Allez, t'as 2 minutes, Goustic. Ouais, on va parler de Barbie. C'est tout ce que ça mérite, à Barbie. Oui. Alors, je vais vous parler de Barbie. J'ai découvert ma sexualité avec les Barbie. Non, c'est pas vrai, avec les Playmobil, c'est non, pour moi, ça c'est, que je suis un c'était peu... C'était avec les Action Man et Dr. X. Je vais vous parler de Barbie parce que, malgré ses 56 ans, ça y est, Barbie sait développer des jeux vidéo. Elle les fait pas. Ouh, et ouais, il y a pas eu des jeux Barbie avant? Ah non, mais... Attention, la poupée Barbie... Maintenant, c'est développer des jeux vidéo. Alors il y a eu la poupée. Oui, ah, oui, la d'accord. Poupée Barbie. Alors il y a eu Barbie l'infirmière, il y a eu Barbie en soubrette. Barbie en soubrette. Oh là là. Et j'en passe. Et bien en fait, Mattel, donc ceux qui créent les Barbie et qui ont les licences Disney au passage et qui ont lancé aussi des figurines Batman v Superman. Donc Mattel avec Wonder Woman, Batman et Superman. Elles sont bien. Ouais, il faut un billet quoi. Franchement, elles sont bien. Elles sont vraiment bien. Allez voir sur le site de Mattel. Ils ont sorti la nouvelle gamme. Et ils ont sorti la nouvelle gamme de Barbie 2016. Il y a Barbie vice-présidente des États-Unis, Barbie présidente des États-Unis. Il y a Barbie fashionistas, donc on peut dire chagasse en boîte de nuit. Et du coup, nous avons Barbie geek. Alors c'est un stéréotype, mais à donf, genre lunettes Ray-Ban, les classiques ce qu'a Cyprien, cheveux roux, un casque sur les oreilles et un PC portable avec un petit présentoir. Et en fait, ça fait référence, en fait, si vous voulez, il y a quelques années de ça, il y a eu une grosse polémique, en fait, quand ils avaient sorti une Barbie. Ils avaient ajouté un texte, en fait. Et l'histoire, en fait, c'était Barbie qui voulait développer un jeu vidéo. Mais sauf que Barbie, elle était tellement conne qu'elle demandait à tous ses amis de créer un jeu vidéo. Donc du coup, les féministes ont vu ça, elles ont brandi le drapeau, machin et tout, enfin comme d'hab, hein, à chaque fois. Oui, des féministes, quoi. Et du coup, voilà, donc si vous êtes... Si vous êtes une petite fille, si vous aimez tout ce qui est jeux vidéo, achetez une poupie ou une poupie. Une poupie. Une poupie. une petite poupée Barbie Geekette, voilà, pour la modique somme de 30 euros, je pense. Hein, donc, je crois que c'est plus cher que ça, les Barbie. Hein. C'est, ah bon, c'est hyper cher, ouais. Ah, il est collectionneur, il le sait. Non, non, mais c'est vrai, en vrai. C'est hyper cher, les Barbie. Donc c'est, voilà. C'est 40 balles au moins. Hein? Ah ouais, je t'assure. Putain, qu'est-ce que voilà. Regarde, bah, regarde vidéo, sur la boutique qui ressemble le même nom que les femmes qui ont qu'un sein et qui tirent à l'arc. Ah voilà, un peu de culture ne fait ah pas oui, mal. Ah oui, d'accord, j'ai compris. OK. J'ai compris, d'accord. Je suis sûr que vous avez trouvé en plus. Oui, allez, oui, les 19h30, vous écoutez toujours la voix du geek et nous on revient juste après Ayam et bouge la tête les poulets. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio sur 91.3. 91.3. Et comment pourrait-on dire mieux ce rythme obsédant, ce rythme Et comment pourrait-on dire mieux ce rythme obsédant, ce rythme insolite. Et comment pourrait-on dire mieux ce rythme obsédant, ce rythme insolite. L'image même de la force en mouvement. Je plonge dans mes souvenirs pour voir mon devenir. Sort dans l'année, tout temps de choses allaient partir. Je rentrais de l'école un soir, dégoûté, en pensant à tous les devoirs qui m'attendaient. J'entrais, je tombe sur la télé. Qu'est-ce que c'est que ces mecs qui tournent sur la main et font dérouler boulet. Pour moi c'était nouveau pourtant c'est sûr. Mes deux pieds et ma tête battaient déjà la mesure. On dit que tout se joue sur un coup de dé, mais c'est sûr, un coup de grosse caisse que mon destin s'est tracé. Collé au rythme, j'ai oublié mes livres d'école. Avec la danse c'était incompatible. J'étais voué à faire de la musique, condamné à placer le son au-delà d'une rhétorique. Ainsi j'ai envers lui une éternelle dette dont je m'acquitte chaque fois que je fais bouger les têtes. Bouge ta tête, tourne pas en haut, en haut. Envoie donc le rythme que je swing des gars des cadjo. Check 1, 2 pour le micro. Fun place au MC qui torchait les parties. Autant des profales, kamikaze et verbal. Wild style pour la basse, pour les aigus. Putain, je suis le vrai Gus. Si ce style est ton apéritif, je suis monsieur plus bastonne. Mon son sur les ondes de matin pimpant. J'injecte un fond qui clappe dans vos tympans. Lyriciste grimpant, les compétiteurs saignent. Car j'absorbe plus de trucs que la saigne. Daigne écouter. L'oscillateur de date, le boss, le pivot. Chill est le suprême poteau, y'a pas de rive. Au réfractaire au son de Mars, c'est que ce flow de rime brime. Flippé, me dites pourquoi vos bobines d'Odeline. C'est intrinsèque, mais le sec en basket et casque n'a pas d'équivalent pour faire bouger la tête. Depuis les flashbackers, l'eau a coulé sous les ponts. Tout a changé sauf le volume de mon Walkman à fond. Pourtant, je regrette parfois ces entraînements interminables où l'on crée de nouveaux pas. Aujourd'hui, on recherche des échantillons. Chaque fois meilleur, mais toujours pour les mêmes raisons. C'est comme ça que je m'éclate. Faire bouger la tête des mecs sur un swing soul qui claque. Ouh, terrible, c'est ça, enchaîne. Il passe bien grâce, mon sang bout dans mes veines. Le cœur est un métronome. L'homme ne peut que s'incliner car le hip-hop impose son dogme. Pour ceux qui, avec moi, usèrent leurs sous-vêtements. Et ceux qui nous ont supportés jusqu'à présent. Je me dois de tenir mon poste, j'ai envers eux une dette dont je m'acquitte quand je fais bouger les têtes. Bouge ta tête, tourne, tourne pas en haut, en haut. Bouge ta tête, tourne, tourne pas en haut, en haut. Bouge ta tête, tourne, tourne pas en haut, en haut. Bouge ta tête, tourne, tourne pas en haut, en haut. Bouge ta tête, tourne, tourne pas en haut, en haut. Bouge ta tête, tourne, tourne pas en haut, en haut. Bouge ta tête, tourne, tourne pas en haut, en haut. Bouge ta tête, tourne, tourne pas en haut, en haut. Ça va bouger? Attention. Les sons qui me portent sont brutaux, je l'ai dit plus tôt. Je transmute la nature de l'être humain en culbuto. Frappe comme une batte, nommé Batman. Constate que de frères chill flic sur le mic comme un acrobate. Le grand pop du côté obscur, méthodique trempé dans le rap jusqu'à l'oscur. Le mal par la malice, le swing mon graal, mon calice. Au pays de Marseille, sa vie de fille s'en appelle Alice. Indépendante la tête, elle s'agite, brise un aspect statique. Chute vers le bas comme une blague tragique. Sous les basses vibre la toiture et les sont des bandes de clubs sur la plage arrière des voitures. Le sens et la technique sont hardcore. L'essentiel est là, comme une compilation de chanteurs morts. Mixette, date, cassette, microphone, check. Tout est prêt pour agiter la fête. Bouge ta tête, tourne, tourne pas en haut, en haut. Bouge ta tête, tourne, tourne pas en haut, en haut. Bouge ta tête, tourne, tourne pas en haut, en haut. Bouge ta tête, tourne, tourne. Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour dans la Voix du Geek, toujours en direct hein, sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur eauderadio.net pour le reste de la Gaule. On est toujours en stream, hein, si vous voulez nous voir en image, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. Et oui, comme disait l'autre, hein, je sais plus c'était quel épisode. Bon, je dis son nom, Koé voilà. A le pouvoir de te faire voir la radio. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'était un de ces trucs. Je vais balancer la bande son de The Division. On va en parler, on va appeler John dans un instant. Oh mais oui, avant ça. J'ai quelques petites news encore qui traînent. Ah, attendez. Ouais, la bande son est assez discrète. Ouais, ça me fait penser à The Last of Us un peu. J'allais le dire. C'est un peu le même. Et c'est un jeu qui a beaucoup de similitudes, The Division, avec The Last of Us. On va en parler dans un instant. Je voulais juste finir ces quelques news. On aura des nouvelles de Mirror Edge Catalyst dans la semaine. Yes. C'est un jeu qui est prévu pour mai, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est prévu pour mai, oui. Non, je crois que c'était pour mars. Ça a été décalé en avril. Si je dis pas de conneries. Non, tu confonds avec Uncharted, je crois. Ah oui, exact. C'est ça. Il devait sortir début mars. Ça, c'est Uncharted. Ouais. Bon, en gros, voilà, on aura des news dans la semaine, on en parlera la semaine prochaine, bien sûr. Je voulais vous parler aussi de Watch Dogs 2, qui se passera à San Francisco et qui sera sûrement annoncé à l'E3. Ah, ils ont osé? Bah, moi, j'ai bien aimé Watch Dogs. c'est pour troller, hein. C'était pas la folie pure, mais j'ai passé un bon moment. Et puis, on a appris aussi que Far Cry 5 était en chantier. Parce que oui, le Far Cry Primal, qui arrive dans deux semaines maintenant, trois semaines, c'est juste pas un standalone, mais un spin-off un peu. Ouais, comme on a eu avec le Blood Dragon. Exactement. Ouais. Sauf qu'il a l'air un poil plus long. Et puis je voulais vous parler d'Unravel aussi. Un petit jeu sympathique. Où on incarne une petite boule de poil. Non, de laine. De laine, ouais, pardon. Poule de laine diabolique. Mais non, mais je te regarde et je pense à poil. Association d'idées. Laine. Je sais pas pourquoi tu penses ça. Laine, slip, toi, poil. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Donc en fait, ils ont eu un petit problème avec le nom, parce que le jeu s'appelle Unravel, et donc on incarne un petit personnage en pelote de laine. En fait, derrière lui, il laisse un petit fil rouge, un fil de laine. Et en fait, ça représente un petit peu toutes les choses qu'on fait dans notre vie. Et il faut arriver à l'autre bout sans qu'il soit dévidé complètement, comme une pelote de laine qui avancerait. Et en fait, tout ça représente un petit peu toutes les actions qu'on fait de notre naissance à notre mort. Et en fait, Unravel, c'est le nom d'un jeu de société aussi qui est sorti dans les années 80. Oui. Où en fait, faut imaginer le plateau, un carré avec des petites pointes en haut, et en fait, on doit accrocher des cerfs-volants avec de la ficelle. Donc, vous voyez, on n'est pas loin quand même. Ouais, c'est assez similaire. Attention, ouais. Notre prof d'anglais du studio, ça veut dire quoi, Unravel déjà? Emmêlé, non? Je crois que c'est démêlé. Je crois. Ah. Un. Quand t'as le préfixe un, c'est défaire ou des. Enfin, mais voilà, ça doit être comme dans enlever la pelote. Comme dans unculé. Unculé. Uncure. Yes. Et donc, eh bien, ils avaient dit non, mais c'est bon, nous on a l'argent, on fera pression pour pas avoir à changer le nom. Eh bien, écoutez-moi bien, ils ont perdu face à la société qui édite le jeu de société. En fait, ils ont dit qu'il y aurait trop de problèmes de, tu sais, que les gens confondraient les deux, en fait. Mmh. Ah oui. Et donc, en gros, bah, Unravel, il sortira bien le 8 mars, donc mardi prochain. On le streamera sur la chaîne, hein, ça va être un. Le 9 février, t'as dit 8 mars. Ah, pardon. Ah oui, je confonds le avec. 9 février. Oui, on est parti sur The Division. Il y a pas de souci. Et donc voilà, on le streamera sur la chaîne façon, mais voilà, donc il changera de nom, mais quand, on n'en sait rien. Voilà. D'accord. Ouais, mais c'est un peu con pour la pub du jeu, quoi, parce que pile au moment où il va sortir, tout le monde a tapé une réveille, ils vont voir que le jeu de société, ils vont dire merde, c'est quoi le jeu? Et en fait, ils le savaient depuis le début, ils se sont dit ça passe. Ah putain. Ouais, ils se sont dit c'est une grosse société, et puis. Mais c'est pour ça, je voulais sortir une chaîne de fast-food, McDonald's, mais c'est pas passé. McDonald's. Je me suis fait cramer. Bon, bref, allez, on va parler un petit peu de The Division, voilà, je cherche ma fiche, on va appeler John dans quelques minutes. Alors attends, l'intro du jingle, c'est du Burning Head, non? Peut-être, je peux pas te dire. On nous demande sur le chat. Alors hop, je retrouve le truc. The Division, voilà. Alors The Division qui est prévu pour le 8 mars. C'est ça. Donc on a eu accès à la bêta. Alors, ce qu'il faut savoir, tardivement. Voilà, je vais raconter un peu, à moins que tu veuilles raconter l'histoire. Non, vas-y, je t'en prie. Mais donc voilà, il y avait une bêta qui était fermée. Donc une bêta, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est quand on peut, c'est comme une démo. On peut essayer le jeu. Le jeu est toujours en développement, mais on a accès au jeu et on peut y jouer. C'était déjà le cas pour Battlefront, Doom. C'est très courant. C'est surtout les jeux en ligne, en fait. C'est pour tester un peu les serveurs, voir si quand il y a du monde, ça tient, pour que le jeu soit le mieux possible avant la sortie. Et donc en fait, il fallait s'inscrire. Il y avait plusieurs méthodes. Il fallait précommander le jeu pour avoir accès à la bêta. Il fallait s'inscrire sur le site directement de The Division. Ce qu'on a fait nous. Au final, on n'avait pas de nouvelles. En fait, la bêta devait s'arrêter hier à midi. Et en fait, elle a été repoussée d'une journée, donc aujourd'hui à midi. D'ailleurs, midi une, hein, pélan, ça s'est coupé. Hein. Non, midi 6. Ah, bah moi j'avais midi une. Ah oui, mais c'est parce que je suis à l'heure de Uzbekistan's Game. C'est une petite, c'est un petit village au sud de Uzbekistan. Si, c'est par là. Je me dis bref. Bah oui. Et donc voilà, nous, ils nous ont contactés. Enfin, on a reçu le mail quand c'était. Dimanche soir. Dimanche soir, ouais. Donc la bêta fait 28 gigas. Dieu merci, moi j'ai la fibre, ça a été assez rapide. Elle a chargé toute la nuit et le lendemain matin c'était praticable. Il te fallait combien toi à peu près ? J'ai pas fait deux temps ? Ouais. J'ai pas fait attention. Je crois que quand j'ai été me coucher c'était 102 minutes. Oh putain. Ah, il m'aurait fallu une semaine. Moi, il me fallait 15. Hey, moi il me fallait 15 heures sans déconner pour télécharger. Ah bah ouais, pas loin. Donc. J'ai laissé la nuit jusqu'à midi. Et je l'ai eu, ouais, il était midi et demi. Mais alors pourquoi, enfin, en général, enfin, une bêta, par exemple. Salut Moumout. Un exemple type Battlefront, elle faisait que 8 gigas. Mais pourquoi, enfin, tant une grosse capacité sur cette bêta-là, enfin. Bah parce que malheureusement, c'est si tu veux avoir du contenu dans le jeu, c'est le jeu est énorme. Là, on en a parlé vaguement à un moment donné pendant la bêta, pendant qu'on jouait. C'est je sais plus qui disait qu'apparemment il ferait dans les 70-80 gigas, je crois. Ah ouais, 80, ça commence à faire. Ouais, ouais, ouais. Quelque chose comme ça. Donc tu te dis. Une bêta avec tout le système qui inclut que c'est une bêta, qu'il y a des trucs qui sont bloqués, etc. Ça demande quand même, je pense, beaucoup de ressources. Mm-hmm. Et du coup, voilà, ce qui faisait 28 gigas. Donc malheureusement, c'était un peu lourd, je trouve, pour un court essai comme ça. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mais alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur PC, et je crois que c'était uniquement sur PC, il y avait possibilité de le précharger 48 heures à l'avance pour qu'on puisse en profiter depuis la sortie. Sur console aussi ? Ah oui ? Ben ouais, mais en lâchant les codes au dernier moment, c'était ouais, chaud. Ben quoi. Oui. Bon, okay. En tout cas, voilà, on va faire un petit point sur l'histoire parce que The Division, c'est un jeu multijoueur qui se passe dans New York. Donc pour l'instant, on sait pas grand-chose dessus. Ils avaient juste fait une annonce à l'E3, alors c'était pas l'an dernier, c'était celui d'avant, parce que maintenant c'est un jeu qu'on attendait depuis 2 ans. Donc pour les auditeurs qui ne sauraient pas, voilà, les développements de jeux sont très longs. Ça c'est 4 ans, 5 ans, voire 6 ans, ça arrive. Donc voilà, on a attendu très longtemps. Et pendant la conférence de presse de The Division, en fait, ils ont montré un petit peu de gameplay et en fait, ils ont fait tomber des faux billets du plafond. En fait, ce qu'il faut savoir pour la mise en scène, ce qu'il faut savoir, c'est que dans The Division, il y a une espèce de pandémie, donc une épidémie mondiale, un virus qui se propagerait grâce aux billets de banque. Ce qui est probable au final, parce que je sais pas s'il y a des trucs plus crades que les pièces de monnaie. Je plains les caissières à chaque fois que je vais à Carrefour. Carrefour au Champ Leclerc. Je fais les trois en même temps. Donc voilà, et on se retrouve un petit peu parachuté ici. Nous, on incarne un survivant. Ils ont créé des camps de base. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on sait à peu près. Dandy, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, oui, bah t'as bien fait le tour parce que, comme tu disais, on est sur une bêta. Hey, salut, c'est Brice Gandoy, c'est tout pour moi. Ciao. On est sur une bêta où effectivement ils ont tronqué le scénario principal pour éviter du spoil quand on commence à faire l'émission. Concrètement là, t'arrives dans la bêta, tu as droit à une seule mission principale, ouais, je crois. Ouais, ouais, c'est assez court. Hein. Après le reste, voilà, c'est que des quêtes annexes. Alors, on a déjà les petits trollolol ou les Kevin de 7 ans qui gueulent au scandale parce que le jeu il est vide, il y a rien à faire. Mais c'est une bêta. Tu le fais vachement bien. C'est une bêta. Voilà. Con. C'est une bêta, espèce de bêta. Je lui dis. Oh, joli, joli. Ça c'est de la punchline. Là, bravo, bravo. Ah oui. Là, je mets tout d'un coup. Ah, vas-y. Ça mérite. Oh, il s'excite. Oh, on dirait qu'il se branle. Oh, putain. Calme-toi, Slash. Oh là. Slender. Voilà. Merci. Bravo. Bravo. Donc oui, non. Honnêtement, voilà, comme tu disais tout à l'heure, pour paraphraser Goustic. Waouh. T'as vu ça un Tu peu le dis vachement bien. Et la bande son de The Division, elle est en truc, elle monte, elle descend, elle fait sa vie. Non, quoi. Là, il y en a plus là. Si, c'est très bas. Je crois qu'il y a une nappe derrière. Une nappe ? Oui, ça s'appelle une nappe, ça. Waouh. Oui. Zimmer met souvent des nappes dans ses bandes son. Ouais, et sur ses tables aussi. Ouais, voilà, moi je les mets sur les tables. J'ai vu un making-of, il mettait des nappes sur les tables. Oh putain. Radio Troll, bonjour. Tout ça pour dire. Allons-y. C'est qui m'a trollé à dos. C'était The Division. Merci beaucoup. Ouais, j'arrête. Non, mais tout ça pour dire effectivement que honnêtement, on a eu une très bonne surprise sur cette bêta là. Tu t'y attendais pas. Alors moi, c'était un jeu que je trouvais prometteur. L'Infernal un peu moins. Il était bof bof. Bah, en termes de motivation. Moi, c'est quelque chose que j'attendais et je t'avoue que quand t'es dedans, le premier truc qui m'a un peu sauté à la gueule, c'est l'atmosphère, l'ambiance. Ouais. Et tu as même utilisé un autre terme, l'échelle. L'échelle, exactement. Parce qu'à un moment, il était face à un mur, il a monté une échelle. Ah, allez, génial. Et il était comme un ouf. Ah, j'étais comme un ouf. Sérieux? Tu peux glisser de l'échelle, truc de malade. Putain. Et elle ne tombe même pas à la renverse. Oh là là! T'imagines? Mon dieu. Non, ouais. non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai? Mais c'est énorme, Maryse. Non, ouais, l'échelle, parce que, comparé justement à un jeu Ubisoft du style Watch Dogs, qui ont des échelles de merde, hein, voilà. Quand tu te retrouves vraiment dans le jeu, dans la rue, au milieu des bâtiments, là t'as vraiment une sensation d'être rikiki au milieu de ces bâtiments là. L'échelle, elle est vraiment, je trouve, plus peaufinée que dans un GTA, etc. Bah, tu te sens écrasé, quoi. Après, c'est aussi la caméra. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense aussi que c'est du fait que la caméra à la troisième personne soit collée juste derrière ton dos, au lieu d'avoir ton perso loin derrière. Et elle est assez basse, quoi. Enfin, tu sais, c'est une caméra épaule, mais dans le dos, même. Ouais, voilà. Ton centre d'écran, c'est ta colonne vertébrale. D'accord. Voilà. Ouais, ça change d'Assassin's Creed. C'est pas l'épaule sur la caméra sur l'épaule, comme disait l'Infernal. D'accord. Okay. Donc effectivement, je pense qu'il y a un petit mouvement magique juste grâce à la caméra, mais ça donne une toute autre impression. Et c'est là où tu te dis, mais un putain de détail compte en fait, que juste ce mouvement de caméra là te fasse sentir dans une échelle vraiment appropriée, comme toi tu vas dans Bordeaux, que tu te retrouves dans une mini ruelle avec des bâtiments énormes. Ben voilà, là t'as vraiment cette sensation. Ce côté aussi avec la météo, un truc de malade, parce que il neige, un coup il fait beau temps, donc t'as un petit peu de soleil. Tu vois la neige fondue, les flaques, tu sais, ça fait un peu de la gadoue dégueulasse là, comme dans les grandes villes. Mais même les buissons aussi, enfin c'est. Oui, et les buissons, voilà. Ah ouais, les buissons, tu te caches derrière, tu. Ah, c'est génial, c'est un truc de ouf. Non mais c'est un truc con. Et moi, tu vois, je suis du genre à être un peu tête en l'air et à aller chercher un petit peu tout et n'importe quoi. Et je passe dans un buisson. Et d'habitude dans les jeux, et là il y a un mec qui quand tu fait, passes dedans, Dandy, pour 5 euros s'il te plaît, Dandy, tu veux pas sortir ton petit berlingot? Et j'ai sorti la saucisse, il a fui. C'est ma petite douceur. Et donc ouais, ne serait-ce que même les buissons, ils ont donné une physique aux buissons de façon à ce que quand tu passes dedans, le buisson bouge, t'as la neige qui tombe des feuilles, enfin c'est ah tout oui, con, oui, c'est, vraiment, c'est débile, ouais. Je veux dire personne fera gaffe à ça, ça se trouve. Mais j'aime ce souci du détail, et c'est ce qu'il disait. Et là dessus, franchement, je les défends. Beaucoup de personnes gueulaient parce qu'ils disaient ouais, mais bon, au final la taille de la map, vous nous l'avez vendue comme étant New York, sauf qu'en fait c'est pas New York, c'est uniquement Manhattan. Donc oui, pour ceux qui ont joué au jeu Spider-Man, Spider-Man, c'est ça en fait. Ouais. C'est l'île centrale de New York, donc le quartier des affaires, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Spider-Man, tu te déplaces assez rapidement. Oui, là, à pied, là, t'es à pied. On fait beaucoup de, on a beaucoup marché quand même. Et notamment le DLC Mobilette. Ah, t'escalades pas les murs. Ah non. Non. Ah merde. Il n'y a pas des points de synchronisation. Alors d'ailleurs, on va en parler parce qu'on a eu quelques petits problèmes. Bah ça, après, c'est toujours quand tu passes d'un jeu à un autre et que ces enfoirés, tu sais pas pourquoi, ils ne gardent pas la logique de garder les mêmes putains de contrôles et qu'ils les changent pour faire n'importe quoi. Tu te retrouves en fait à faire des roulades dans des murs au lieu de les escalader. Enfin voilà, c'est Tu confonds un peu X et rond. Ouais, voilà. C'est rond pour passer par-dessus et X pour se mettre à couvert, ou le contraire, je sais plus. Et enfin oui, c'est à contre-pied de d'Uncharted ou voilà. Ouais. Et donc bah plein de fois tu dis ah cool, je vais me mettre à couvert et puis tu sautes par-dessus quoi. Voilà. Puis t'arrives, ouais, c'est moi. Donc c'est chaud. Mais sinon, super bon jeu quoi. C'est un jeu qui a une ambiance de ouf clairement. On est dans un New York, il faut bien imaginer, qui a subi une épidémie. Et qui est en pleine épidémie. Et il faut imaginer une grande ville, comme Tchernobyl dans l'idée, mais en plus récente, comme si les gens avaient quitté leur chez eux, mais en une minute quoi. Alors, si vous avez vu, déjà, Je suis une légende, qui est très très bien. Ouais. On a carrément cette ambiance là. Et t'as aussi l'ambiance, je sais pas si vous l'avez vu également, sur la route aussi. World War Z. Oui, carrément. Ah, mais ce côté où ils sont dans les bouchons, que t'as des mecs qui courent partout, etc. C'est un peu ça. Tu vois les rues avec des bouchons de bagnole un petit peu partout, et t'as des gens qui se trimballent. Tu vois des mecs qui se tiennent le ventre. Moi, j'ai eu un mec à un moment donné. Je marchais avec vous là dans la rue, et un mec qui se couche devant moi dans la rue. et qui décède comme ça. Mais pour il rien. T'a reconnu, il a dit je peux pas tester. Ah ouais. Mais enfin, alors c'est des mecs qui ont touché ces fameux billets et qui. On sait pas. Bah on sait là, pas. Là, pour à l'heure actuelle, l'histoire, tu peux pas savoir puisque sur la bêta, ils ont vraiment tronqué le scénario et t'as une mission, mais. Ah oui, t'as pas de cinématique d'intro ou quoi. Il y en a une. Ouais. Enfin, en fait, le truc, c'est que t'es pour l'émission, t'es amené à aller chercher des médicaments et de l'outillage mm-hmm. pour construire une espèce de zone qu'il faut rénover. Genre, ça va à 100% et dès que tu finis une mission principale, ça te monte de 10%. Tu vois, tu gagnes de l'XP, mm-hmm. de l'argent et tu débloques les trucs. Pour la bêta, moi, j'ai réussi à monter que jusqu'à 20%. Mais après, tu dois pouvoir dans la ville, toi, rétablir des points de Médecins Sans Frontières. Tu vois ce que d'accord. je veux dire. Bon, c'est un peu l'idée, quoi. Alors, est-ce qu'on parle des Dark Zones aussi? On va parler de la Dark Zone. Allez, vas-y. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette bêta, c'est qu'il y a deux zones bien distinctes. Il y a une zone où on est nous, donc c'est un jeu qui joue en coop jusqu'à 4. On peut créer une team de 4 personnes. Et donc, on est lâché un peu dans New York à faire les missions. Et si on veut, on peut aller dans la Dark Zone. Donc, la Dark Zone, c'est... une zone contaminée, déjà. C'est par une le zone virus. Contaminée. Et dedans, il n'y a que des vrais joueurs. Que non, du PvP. Il y a aussi du, enfin, il y a du bot, PNJ. Mais il y a surtout des vrais joueurs. Et en fait, le but du jeu de cette Dark Zone, ça va être d'aller tuer d'autres vrais joueurs, de récupérer leur matériel et d'aller jusqu'à un point d'extraction pour sans se le faire voler. Et ensuite, d'appeler un hélicoptère qui vient chercher le matériel pour le sauver. Et c'est dans cette zone qu'on trouve le meilleur matos. Mm. Voilà, dans l'idée, c'est ça la Dark Zone. Alors, il y a déjà eu des problèmes sur PC. Tout à l'heure, j'étais en train d'envoyer un fax dans mon bureau de la radio. Oui, j'envoie toujours un fax avant l'émission. Oh, est-ce que tu veux dire dans le grand fax blanc. Le ouais. mec est vraiment dans son époque, quoi. Et donc, je suis en train de mater ça. Et en fait, il y a eu des gens qui ont déjà piraté la bêta sur PC. En fait, les gens gueulaient déjà. Il y a des gens qui sont plaints auprès d'Ubi en disant, voilà... Ça, c'est sûr que ça va arriver. Les mecs ont fait en sorte de courir beaucoup plus vite et d'avoir, tu sais, de la vie à l'infini. C'est le problème avec alors, les PC. Alors, ça va être le problème aussi de la Dark Zone. On s'en est rendu compte. On l'a fait aussi pour troller. Genre quand les gens extradent leur matériel. Donc, il faut attendre. Il y a un timer et l'hélicoptère arrive. Il laisse une corde. Il faut accrocher notre matériel et encore 30 secondes. Et nous, on a attendu clairement. En fait, si on fait rien, on peut très bien croiser d'autres joueurs sans leur tirer dessus. On ouais. est neutre. Mais si on va au conflit, là, tout de suite, ça passe plus, quoi. Et donc, on a attendu gentiment qu'ils accrochent leur truc, et on a acheté des crevettes, enfin voilà. Tu vois, on a trippé, quoi. Et donc, il y a un moment où moi, j'ai voulu sortir de la Dark Zone pour les rejoindre, et évidemment, il y avait une embuscade juste devant la porte. Donc, on imagine bien que s'il y a une team de 10 gars, qui t'attendent devant, enfin voilà, c'est baisé, quoi. Ouais. Putain. Donc ça, c'est à voir. C'est un petit peu ce qui nous inquiète aussi, Raptou aussi. Je sais pas s'il est sur le stream, mais on en a beaucoup parlé et c'est, ouais, on verra. J'espère sincèrement que on va appeler John là dans deux minutes. J'espère sincèrement que on sera pas obligé d'y aller dans l'histoire. Qu'on va pouvoir je faire l'impasse. Je pense pas que tu sois obligé d'y aller dans l'histoire, mais après je pense que c'est vraiment la Dark Zone, c'est une zone essentielle au jeu. Je pense qu'on peut pas parler de The Division sans parler de cette zone-là, parce qu'effectivement, c'est celle où tu prends le plus de risques. C'est là où t'as un vrai challenge, où, comme on disait, tu peux très bien arriver dans cette zone-là, trouver du matos dans des caisses ou en tuant des PNJ, et tu fais ta vie tranquille. Tu vois d'autres joueurs en ligne, et j'en ai croisé plein. On en a croisé plein, des mecs pacifiques qui, enfin, qui n'avaient rien de méchant, quoi, et même qui t'aident à extrader ton matos. Mais tu peux tomber sur des mecs qui voient que t'as un petit sac à dos qui commence à prendre du volume et qui décident de te trahir et de te shooter. Je sens qu'on va quand même rigoler. Ouais. Fait. Alors après, le truc qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est neutre, et c'est à partir du moment où quelqu'un de neutre attaque une autre personne de neutre qu'on devient ce qu'on appelle renégat. Et en fait, le renégat, le statut renégat, il y a un timing. C'est-à-dire que c'est comme un cercle. Et le cercle donc a un décompte, et à la fin du décompte on redevient neutre, sauf que on est marqué sur la map en tant que renégat, et donc on a une certaine prime sur notre tête que les autres joueurs peuvent venir chercher en nous prenant notre matos. Et il faut savoir que si tu perds, en plus si tu meurs dans cette Dark Zone, parce que ce qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'il y a un niveau, un level pour le monde normal, et ouais. il y a un level spécifique et une monnaie spécifique pour la Dark Zone. Et si tu meurs dans cette Dark Zone, eh ben tu perds de l'XP. Et ouais ouais. Tu perds un de peu l'XP. Comme ah ouais. Dying Light. Tu descends de level en fait. Ouais, comme Dying Light, où d'accord. si tu te fais tuer de jour ou de nuit, c'est ça pas le même impact. Donc on va dire que c'est un système de ranking en fait. Ouais. Cet XP là. Tiens, il y a sur le stream, on me dit, je suis une légende bien. On a vu le même film. Ouais. C'est tellement loin du génie du livre. Alors après j'ai pas lu le bouquin, mais on retrouve bah, tout ce qui fait ces jeux-là comme Sur la route. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah aussi. Ouais, le oui oui. Voilà, il y a Sur la route, oui oui. Il y a The Walking Dead aussi. Oui. Parce que quand tu parles justement, on embrasse tout le Watibé. Mais ouais, quand tu parles le Watissé aussi, le Watidé, le Watieux. Comment il trop la mort ce sens. Walibi. Et on embrasse Walibi Baba, j'en suis gaga. Quand tu parlais de la Dark Zone, en fait, ça rappelle un petit peu le côté Walking Dead. En fait, est-ce qu'on doit buter cette personne-là ou pas? Enfin, parce qu'il y a des passages là, en fait, où. Bah oui. Après, le truc. Bon les gars, c'est j'appelle John en même temps. Ça joue vachement sur le côté, j'allais dire psychotique et le côté paranoïa où tu vas croiser des gens. Lui, il se dit, est-ce qu'il va me buter? Toi, tu te dis, est-ce qu'il va me buter? Donc du coup, tout le monde se regarde et se met en joue. Ah ouais. Et alors après, t'as des touches pour dire, pour lever les mains et dire non, drapeau blanc, je veux pas me battre. Donc après, le mec peut faire pareil ou te tirer dessus. Et donc ça donne des séquences, des fois de course poursuite où t'as un mec qui te tire par derrière, tu te retournes, tu commences à lui mettre une branlée et le mec se dit, oula, j'ai pas le niveau et il se casse en courant. Et donc tu le traces à travers Mais les rues pour aller de le justement, chercher. Au moment où voilà où ils se regardent tous qui va se faire buter, est-ce qu'il y a pas des modes de persuasion, genre non, c'est au bon vouloir, c'est d'accord, okay. Toi tu vois ce gars, t'as envie de le buter, tu le butes. C'est roulette russe quoi. C'est ça. D'accord, ok. Exactement. Je vais juste vous savoir ça en fait. D'accord. Si je démute pas mon micro. On a John en ligne normalement. John ? Oui, oui. Qui nous appelle de Crépouilly les Sept Poutelles à l'autre bout de la France. C'est ça. Je suis en duplex parce que vu la bouillie qu'il y a entre nous au niveau de la voix, je dois être en duplex à mon avis. C'est clair, c'est pour ça, j'ai baissé la bande son un peu. Tu t'écoutes pas la radio en même temps ? Non. Ok, parfait, parce que sinon ça va bugger. Bon, comment ça va ? Ça va bien, et vous ? Ben carrément, carrément. Depuis la semaine dernière. C'est vrai qu'on s'est pas vu dans la semaine, on n'a pas discuté, on s'est jamais recroisé. Ben non, c'est vrai, on se voit très peu. Bon, avant qu'on s'écoute le Scud là, tiens, dis-nous un petit peu, toi, ce que t'as pensé de The Division. Eh bien, pour commencer, je voulais dire, par exemple, que pour avoir John, il a le stream à côté, quoi. Ben oui, on entend en double, tu vois. Coupe le stream, andouille. Non, j'ai pas de stream. Bah, il y a un écho, J'entends là, en fait, j'entends la bande son. Ben oui, moi depuis tout à l'heure, je baisse la bande son et je l'entends aussi, quoi. Ok, c'est pas grave. Je vais aller dans une autre pièce parce que... Voilà, je vais aller dans une autre pièce, rapidement. Bon, on entend... Ça se trouve, il est sur son smartphone, il a Twitch encore quand il appelle. Ah ouais, c'est possible, ça. Les salauds, j'aurais même pas mes notes. Bon, donc, du coup, je voulais dire, par rapport à la clé bêta, pour reprendre un petit peu ce que vous avez dit au début... Vous m'entendez toujours ? Ouais, vas-y. Moi, je l'ai eu un peu en mode ninja, par exemple. J'ai pas précommandé le jeu et tout, j'ai juste vu un message et en gros, Nvidia offrait des clés et je l'ai chopé un peu comme ça parce que je m'attendais pas du tout à tester cette bêta. J'attendais rien de The Division, j'attendais rien de la bêta, je suis tombé dessus par hasard et effectivement, c'est une bonne surprise. Ben voilà, oui, carrément. Pour introduire un petit peu ce que je voulais dire dessus, vous avez dit plein de trucs, je suis d'accord avec vous, il y a pas mal de choses sympathiques. Vous avez pas trop parlé, il y a des interactions qui sont possibles et des événements qui sont un petit peu aléatoires dans la partie PvE, donc quand on est hors de la Dark Zone, en fait, quand on joue pas contre des joueurs, en fait, pour ceux qui ne comprendraient pas forcément. Et il y a des événements un peu aléatoires, on peut rencontrer des civils, comme tu disais, Dandy, il y en a un qui est peut-être mort devant toi. Oui, c'est le cas, ouais. Il a eu une sale grippe. Oui, on peut les aider un peu, ça fait gagner un petit peu d'XP. Il y a quelques événements comme ça, on croise 2-3 personnes dans la ville, ou même des ennemis, un peu de façon aléatoire. Oui, carrément, des espèces de bandits. Alors eux, on sait pas trop d'où ils sortent. Des pillards, des choses comme ça, ouais. Exact. Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était un peu répétitif. Alors pareil, c'est une bêta, donc on peut s'attendre à un peu plus à la sortie du jeu. Mais ouais, par carrément. C'est un petit peu répétitif, ça manquait un petit peu d'originalité, on retrouvait un petit peu toujours les événements. Disons que s'ils avaient pas mis ces petits événements-là, effectivement, la bêta, t'as plus rien à faire. Donc, c'était un petit peu ce qui aidait à sauver le temps qu'on passait sur ce jeu, une fois qu'on avait terminé les missions secondaires et la mission principale. Oui, parce que la rejouabilité, en fait, est assez faible dans la bêta, vu qu'il y a peu de missions, à part quelques missions secondaires qui se ressemblent à aller sauver des personnes. Ah oui, clairement. Bah, après, il faut partir d'un principe que quand on joue à une bêta, il y a beaucoup de gens comme nous qui jouons parce que on a envie de jouer au jeu et de se faire un avis dessus. Mais ce qu'attendent les développeurs derrière, c'est surtout les retours. Eh oui, carrément. Est-ce qu'il y a des bugs à tel moment? Est-ce que ça, il faut le changer? Eh bah, ben, justement, si les développeurs d'Ubisoft nous entendent, moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu chagriné. Attention à ce que tu dis, hein, parce que ça s'écoute tous les mardis soir. Ah ouais, balance et puis après on s'écoute Fatrat avec Winefall. Alors deux choses, je vais dire deux choses. Oh là mon dieu, il est tout vénère. Alors là, quand il a la tête enfoncée dans les épaules comme ça, il est pas bien, John. Non, il y a juste une chose qui m'a fait chagriner que je veux dire, et une autre qui est vraiment cool à mon sens et que je veux dire aussi. Alors, vas-y. Première, je commence par le mauvais. Essaye de pas mettre une demi-heure, par contre, s'il te plaît. T'as 5 secondes. La cover, parfois, notamment quand tu es au bord d'une fenêtre ou des choses comme ça, bah, tu peux pas t'en servir parce que quand tu es au bord d'une fenêtre, tu peux pas regarder par travers la fenêtre. Oui, ça c'est vrai. Ils ont des angles à 45 degrés, comme dans la mission sur l'hôpital, là. Voilà, donc c'est un peu décevant. Par contre, la bonne surprise pour ce jeu-là, je trouve ce qui est vraiment bien, que je ne connaissais pas sur d'autres jeux. La neige. C'est la... Non, pas la neige. Et tu veux que je fasse vite, alors attention. Non, c'est la partie... En fait, quand, d'habitude, dans un jeu, on a souvent la partie solo et la partie multi qui sont vraiment distinctes. Et dans celui-là, en fait, on va dire, le menu qui pourrait nous permettre d'aller dans le multi ou dans le solo est dans le jeu, est intégré dans le jeu. Et en fait, c'est fluide. Et on navigue du mode multijoueur, donc la Dark Zone, au mode solo et coopératif, sans aucun temps de chargement, sans avoir besoin de quitter sa partie. C'est fluide, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé intéressant de l'avoir intégré dans l'univers du jeu. On se sent absolument pas déconnecté, on sort absolument pas de l'immersion du jeu pour passer de l'un à l'autre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose. Ouais, carrément, c'est assez bien fait. Tiens, on embrasse vite fait Gangstar Gaming. Qui vient de nous rejoindre. Oh, merci. Alors, à toi. J'aime bien parce que en radio, on a tous un casque sur les oreilles. Voilà, là j'ai le volume là pour ceux qui sont sur le stream. J'ai le volume ici, je peux monter le son dans la cabine. Donc en gros, dans les bureaux à côté, ils nous entendent juste parler. Et de temps en temps, ils doivent entendre le klaxon. Faudrait que je les prévienne. Ils doivent se dire putain, qu'est-ce qu'ils foutent encore. Encore la voix du chic. Oh, ouais, c'est encore la voix du chic. Voilà, voilà, on va être en retard. Bon, merci John en tout cas. Eh ben de rien. La bise à tout le monde alors. Gros bisous poulet. Ciao. Salut. Bisous. Yes, ben pareil, hein, chaque semaine, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler en direct si vous voulez parler d'un jeu. Là, juste après, si vous voulez nous parler de The Witness, ben n'hésitez pas, on vous passe en direct à l'antenne. Nos soucis. Il y a des mots qui reviennent, hein, beaucoup. Ça a l'air cool quand même, The Division nous dit l'amical du geek. Il y a, tiens, Lollipop qui fait le jeu évoluera et Ubisoft s'adaptera aux joueurs. C'est beau l'espoir. Alors, ça, je sens une petite pointe d'ironie derrière cette phrase. Alors tiens, il y a l'amical du geek aussi qui nous dit on dirait du DZ, comment vous en parlez. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Amical du geek, c'est aussi une référence que je me suis faite perso, où t'as ce côté très survival où t'as peur que les gens te trahissent et que les gens ont peur que tu les trahisses. Mais ouais, carrément. Moi franchement, j'en attendais pas grand-chose et ben je pense que ça va le faire. Je pense que vous allez en bouffer sur la chaîne. C'est clair. D'ailleurs, avant la fin de l'émission, on va faire un petit point là sur les streams qui vous attendent sur la chaîne. Oui. Parce qu'il y a du bon qui arrive, mais juste avant de parler de The Witness, on s'écoute. Alors vas-y, tiens, tu nous lances le disque, Dandy. Winefall the Fat Rat. Ah vas-y, tu fais ouais, il est 20h, on écoute Runners Gang and Nair. Il est 20h04 et nous écoutons Winefall sur Ode Radio. Vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez sur 91.3, 91.3. écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Bonsoir. Allons, on est de retour, toujours dans la voie du geek sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur eau de radio.net pour le reste de la Gaule. Je vais baisser la bande son, ça va me donner envie de pisser. En fait, je suis arrivé dans le studio tout à l'heure, à chaque fois je prépare l'émission et je cherche les OST, donc les bandes son des jeux vidéo. Et je me dis, tiens, je vais taper The Witness OST, tiens. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui a pas de musique. Donc j'aurais pu chercher un moment. Donc on vous a trouvé une belle bande son, tiens, si vous êtes en voiture... C'est toujours la classe d'écouter la terre. Trop la coulante, là, mon s'abuser, gars. Là, donc, t'imagines, en vrai, c'est tous les mecs qui se la pètent et tout, en baissant la vitre, tu sais, comme ça. Et genre, là, t'arrives au feu, il y a une meuf, et le mec, il écoute de l'eau qui coule, mon pote. Eh. Ah, cacacacacacacou. C'est le dernier Zaz. T'imagines le truc. Et voilà, on a mis ça parce qu'on va parler de The Witness dans un instant. The Witness, un jeu sympathique, un jeu d'énigmes, où on est un petit peu, lâché seul sur une île. Alors, ça rappelle beaucoup Myst, hein, pour l'idée. Ça rappelle beaucoup Myst. C'est un jeu d'énigmes. Oh. Alors, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire et puis on en parle tout de suite. Alors, c'est édité et développé par Tecla. Alors, c'est un petit studio qui avait fait Braid à l'époque. Haha, un jeu ça aussi. Rien du tout. Un petit jeu aussi bien sympathique. C'est sorti le 26 janvier. Il y a les oiseaux. Ça va Ah oui. Alors là, mon Dieu. Complètement nature, quoi. Bon, je te houte. Le mec, il rentre. Non, mais c'est le bruit de la forêt, ça, non? Ouais, ok. Ça, ouais. Ah oui, c'est sûr que l'ours, il rentre comme ça, oui. Tu connais pas le Rotatoes? Ouais, c'est le Rotatoes, ouais. Le Rotatoes, celui qui mange des tranches de jambon, ouais. Et ma calotte de ses morts, tu la connais aussi? C'est une espèce d'Afrique. Il est complètement nature. Jamais j'aurais fait ça, mon copain. Jamais. C'est un jeu d'aventure et de réflexion. Attends, il y a déjà des, alors t'inquiète, Gangstar Gaming. Je filerai le numéro. C'est payant. Non, c'est un numéro gratuit. Non, mais l'autre, il est plié. Tu mériterais que je te mute et que je te bannisse à tout jamais. Ah non, c'est le, ouais, j'aurais jamais fait ça, mon copain. Moumout, le pro du tel qui connaît pas le numéro de l'antenne. On m'appelle, je n'appelle jamais. Yes. Bon, bref, The Witness, c'est un jeu sympathique, assez coloré. Moi, j'aime beaucoup. Oui. Il nous emmène dans un univers. Et ça, c'est bien. Ouais. Puis ça fait du bien. On sort un petit peu des jeux de tir et compagnie. Il y a une échelle aussi ou pas? Il y a une échelle, l'échelle de l'espoir, elle s'appelle d'ailleurs. Et tu le perds vite, l'espoir, en avançant dans le jeu. J'avoue. Est-ce qu'on ferait un petit point sur l'histoire? Très rapide. Très rapide. Montagne, laser. Ça va être très rapide parce qu'il n'y a pas d'histoire. Ouais, voilà. Ça, c'est alors, pyramide. Hein. J'adore. Et en plus, j'avais l'oiseau dans mon oreille droite. Tu veux que je te le refasse, le Rotatoes? Non. Ah bah, tu fermes les yeux, t'es à Center Park, ça. Donc, dans l'idée, c'est un jeu qui rappelle beaucoup, en fait. On a eu plusieurs jeux qui sont sortis cette année dans l'esprit. On a eu Ether One. Oui, qui était gratuit. Oui, exactement, qui a été gratuit sur le PlayStation Plus, donc sur PlayStation 4. On a eu Everybody Gone to the Rapture, qui était pareil. C'est toujours un petit peu le même principe. C'est des enfants, un petit peu des descendants de Myst. C'est toujours un petit peu le même pitch. On se retrouve seul, avec personne. Alors là, Everybody Gone to the Rapture, je crois qu'on est dans un cottage américain, juste à côté de Center Park. Non, un cottage anglais. Dans Ether One, on est sur dans un petit village de pêcheurs. Ouais. On a eu aussi comment The Vanishing of Ethan Carter. Oui, exactement. Oui. Voilà, je cherche. Super. Ou c'est pareil, on est toujours un petit peu lâché dans la nature, on nous prend pas par la main, et c'est à nous un peu de nous débrouiller au final. Moi, j'aime beaucoup ces jeux. Je trouve que ça met une bonne ambiance. Et là, pour le coup, The Witness, ça marche plutôt bien. On se retrouve, alors au début on est un peu enfermé entre quatre murs, on va dire. On est enfermé entre quatre murs, et au final, vu que c'est des jeux où on nous apprend rien, ça va être à nous de trouver ce qu'il faut faire. Donc c'est toujours le même système. Pour les plus vieux, pour les plus jeunes aussi, ça ressemble un petit peu à un labyrinthe. C'est toujours un carré, et en fait, dedans il y a un quadrillage. Et en fait, il faut toujours relier le point A à un point B. Comme les jeux qu'on avait gamin, tu sais, le labyrinthe sur les boîtes de céréales, tout ça dans l'idée. Et donc au début c'est très simple, on arrive face à une porte qui est fermée, qui a deux espèces de verrous, on comprend très bien parce qu'il y a des câbles qui sortent dans quatre directions, en suivant le câble on comprend très vite qu'il faut faire le puzzle et on arrive à sortir de cette zone. Donc ça, le plus gros effet entre guillemets, parce que t'as compris ce qu'il fallait faire. Et ensuite, on avance comme ça dans plusieurs zones. Alors, je les ai notées. Il y a un désert. On va en parler avec Dandy parce que c'était un moment de ouf. Il était je sais pas quelle heure de la nuit. Mais je te dis que c'est à droite. Il y a une espèce de truc de reflet. On va vous en parler. Ouais. Il y a une espèce de forêt. qui est assez sympathique. Très sympa. Qui est sous plusieurs formes. En fait, l'île est assez petite, mais elle est divisée en plusieurs zones. Il y a un désert, des forêts, il y a une carrière qui donne sur une rivière, il y a une espèce de château, il y a des cabanes dans les arbres, il y a une espèce de d'épave de comment on appelle ça ? De pétrolier un peu. Enfin, de super tanker. Et en fait, ce qu'il faut imaginer pour les auditeurs, c'est que c'est tout un comme un dessin animé en fait. C'est sous forme de dessin animé. C'est en cel shading. En cel shading, oui. Alors, en utilisant ce terme, je sens déjà que ça va gueuler sur le champ. Et c'est quoi le cel shading? C'est les graphismes qui ressemblent alors à King's Quest, à Zelda, Wind Waker. Au dessin animé, concrètement. Dessin animé, voilà. Alors, qui a un côté cartoon, en fait. En fait, c'est un peu assimilé à la bande dessinée belge, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, comme Tintin, tous les personnages sont entourés d'un trait noir. Ouais. Donc dans le jeu vidéo ça rend très bien. Et là ça crée un univers. Alors ce sera pas prévu du tout, mais moi je pense que c'est un jeu qui se prêterait bien à la VR. Ah, à oui. La réalité virtuelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on a plein de petits panneaux. Voilà, et on peut actionner, faire ces labyrinthes. Je prends l'exemple de la forêt. Par exemple, on arrive devant une espèce de il y a un arbre de dessiné. Et en fait, il faut observer. Et avec Dandy, en observant, en ouvrant nos mirettes, en observant, on a vu qu'il y a un arbre qui ressemblait un peu à ça. Et au final, tu sais pas, parce que c'est dessiné, ça fait un, il faudrait imaginer un Y avec une entrée, un point de départ, et genre 20 sorties. Et donc, bah, lequel c'est, quoi. Et donc, au final, dans l'arbre, qu'est-ce qu'il y a, Dandy? Eh ben, il y avait une pomme. Il y avait une pomme. Une pomme d'amour. Une belle grosse pomme, bien sûr. Il y avait une pomme. Oh putain. Il y avait pas un Ewok. Oh merde. T'imagines le truc, il y a un Ewok dans l'arbre. Non, il y a une pomme. Et au final, en prenant le bon angle, on se dit, bah attends, je vais suivre et je vais aller sur la branche où il y a la pomme. Et c'est ça. Et oui. Et en fait, tout va être comme ça. Chut, dis donc. Couché. Maladé. Allez-y. Allez, dis mon copain. Il y a des boucherons. C'est con, j'ai pas de bruit de fusil, quoi. Ah, c'est les câbles. C'est les câbles de cuivre, ça. Non, mais attends. Ah, mais là, mon gars, tu fais. Bonjour, bienvenue sur Roda Radio, dans l'émission des Sasseurs. C'est dimanche matin, avant d'aller au casse-croûte, on va pas faire un petit point sur les perdrilles. Ma femme, elle a pas préparé la gamelle. Est-ce qu'il y a une. Il faudrait qu'il y ait une émission sur la chasse sur Roda Radio. Bienvenue dans Caravane Épaisse. Allez, et cette semaine, nous vous faisons gagner un fusil. comme si tous les chasseurs, ils se sautaient. Un abonnement, oui, je sais pas. Moi, je fais le chasseur comme je veux. Et puis, cette semaine, a gagné un abonnement à Cartouche Magazine. Bon bref, voilà, on se re... Non mais c'est trop ça. Cartouche magazine. J'ai été abonné pendant 8 ans. Mais c'était un autre, c'était mettre une cartouche magazine. Ah oui. Génial. C'était pas mal. Ah putain, trop bon. Bon bref, et donc on se retrouve à faire tout ça et de fil en aiguille, en suivant des câbles sur le sol, on trouve une espèce de grosse boîte jaune, il y a un dernier puzzle. Et ça ouvre un laser en fait qui tire sur une espèce de petite montagne. Et en haut il y a des arches. Et en fait ça tire un laser. Et a priori bah il y a une quinzaine de lasers à rassembler. Et voilà. Ouvrir un super secret. C'est ça. Et un super secret, mais qu'il en est-il ? Alors d'ailleurs je voulais revenir juste sur un petit truc. C'est vrai que tu parles beaucoup des panneaux où il y a ces espèces de circuits imprimés dessus. Ouais. C'est vrai que à première vue, on s'est tous dit oh là là, ça risque d'être chiant parce qu'effectivement, ça va être que ça ces énigmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces panneaux-là, ça va être un peu la finalité de l'énigme parce que ça va vous demander effectivement, comme tu le disais avec les arbres, d'observer votre environnement, même des fois de créer certaines mécaniques, des reflets. On oui. l'a vu, hein. Il y a eu des reflets, même les arbres. Il y a eu des branches qui étaient pétées. Ouais. Donc il fallait savoir que c'était cette branche-là qui était pétée, qui n'était pas pétée sur le schéma. Et là, enfin voilà, c'est des trucs un peu qui vous tordent la tête dans tous les sens. Comme on disait, voilà, il y a une vraie finalité sur ce truc-là parce que l'énigme ne commence pas forcément par ce panneau. Elle commence par quelque chose d'extérieur qu'on va interpréter, qu'on va modifier et arranger de façon à ce que ça puisse s'adapter donc sur le panneau avec ce circuit imprimé. Mmh. Et donc ça peut se traduire par un reflet, une ombre, des couleurs, parce que là aussi entre chaque panneau il y a, on va dire, comme un jeu de piste, parce que c'est presque ça aussi, c'est un jeu ouais, d'énigme ouais. mais un jeu ah, de oui. piste où pour savoir où on doit aller, quand on active un panneau, ça active un câble qui s'allume avec de l'énergie et on qui doit suivre emmène. les cadres les cadres et Olivier cadres et Olivier ouais. Mais oui, voilà. Enfin, je te laisse prendre le relais, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un bon enchaînement dans tout ça, même si à un moment donné tu peux te perdre et ne pas savoir quoi faire. Alors, tu retombes toujours sur tes pattes à un moment donné. Ouais. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types, comme l'a dit Dandy, il y a plusieurs types de puzzles. Donc, il y en a beaucoup. Moi, c'est mes préférés où il faut observer. Genre, il y en avait un qui était très bien dans une espèce de, dans l'optique. En fait, c'est des mini quartiers, quoi. Dans le quartier un peu japonisant, dans un temple japonais. Et genre, on était à l'intérieur. Et en fait, en activant, en fait, faut imaginer un bonsaï. Et autour de lui, un pot de fleurs carré. Visualisez bien, un pot de fleurs carré. Et en fait, suivant l'angle où on est, le tronc du bonsaï coupe la ligne. Faut imaginer une ligne qui fait le tour du pot de fleurs qui est carré. Et en fait, suivant l'angle, on pouvait relier les points. Et en fait, c'est à nous de tourner, de trouver la bonne place pour pouvoir actionner un levier ou le désactionner. En traçant la ligne sur les trois côtés au lieu de quatre, vu que le pied nous gêne. Et en fait, quand on a trouvé le bon angle, en observant un peu, on se rend compte qu'il y avait un espèce de trou dans un mur. Et en fait, en s'alignant, en bougeant dans tous les sens et en s'alignant, juste en face de nous, il y avait un espèce de dessin gravé dans le marbre de l'autre côté, un peu plus loin. Et en fait, en alignant pile poil la silhouette d'une personne qui était un peu dans les flots, en alignant ça pile poil avec le trou, eh ben on avait le bon angle pour tracer la ligne pour ouvrir le panneau d'après. Voilà, et c'est tout le temps comme ça. Ouais, et en fait, ça te demande juste de l'observation au début. Il y a des séquences comme ça, il y a des séquences où t'es dans la forêt, on te demande de faire un tracé sur un quadrillage. Mm-hmm. C'est un peu comme le snake sur les téléphones, ton trait peut pas se recroiser. Et au final, eh ben en observant, tu te rends compte que tiens, il y a l'ombre d'une branche, toi qui es sur un arbre. Alors tu regardes et puis tiens, ça colle, tu le fais, puis c'est ça. Tu vois, faut tout observer. Mm-hmm. Et c'est vraiment génial, quoi. Alors après, on bascule un petit peu dans le plus dur. D'ailleurs, il y a Moumout qui est là sur le stream. Qu'est-ce qu'il nous dit? Aligné pile poil avec le trou. Ah oh oui. Il y a Lollipop qui fait la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Oh oui. Je devais la faire. Ah oh oui. Bah moi j'avais la même avec le gland. Le gland ne tombe jamais bien loin du shade. DSK en je trouve que le gland ça me caractérise mieux. Mais du coup je sais plus ce que je disais. Si. Et donc au début on a juste à relier des points comme ça, à observer un petit peu le décor. Mais ensuite il y a des espèces, alors ça monte crescendo, il y a des espèces de points noirs et des points blancs. Donc on nous dit pas. Il y a une succession de 6 panneaux. Donc sur le premier, on essaye plein de choses. On se rend compte que si on trace une ligne et qu'on sépare, alors c'est l'apartheid, hein, je suis désolé, mais que si on sépare les ronds noirs et les ronds blancs, ça marche. Et donc c'est de plus en plus complexe. Ça fait faire des petits serpentins, des trucs. Ensuite, ça va jouer avec les couleurs. Ensuite, faudra dessiner des formes et ça devient un vrai mais casse-tête. Mais c'est hallucinant, quoi. Je remercierai jamais assez Moumout et Lollipop qui nous filent la soluce à mesure. Parce que franchement, c'est vraiment chaud, quoi. Il y a ça, on peut faire des paires, avec les couleurs. Après, il faut en laisser un à l'extérieur, mais toujours, enfin, c'est un truc de malade, quoi. Ce qui reste le plus impressionnant, moi, de ce qu'on a pu vivre depuis le début de The Witness, ça a été tout ce qui était, le jeu d'ombre et de reflets. Ouais, qui je trouve est vraiment très bien étudié et pour le coup vraiment ingénieux parce que bon il y a eu l'histoire des carrés à isoler machin et tout, bon c'est, j'allais dire ça paraît un peu simple en fait, tu mets des carrés, tu dis tu les isoles et voilà. Le côté du reflet, le côté des ombres, je trouve que c'est un peu plus poussé, un peu plus travaillé, ça demande ouais. Justement ce côté observation, ça demande de la réflexion pour te dire bah alors voilà, là j'ai une ampoule, j'ai une source de lumière à cet endroit. Pour voir le reflet, il faut que je me tourne par là, que je monte le niveau de l'eau, etc. Ouais, ce passage, enfin, il était chaud. Chaud, ouais. Ah ben là, on était en train de dormir en plus à moitié. Ouais. Donc, Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait, il y a des panneaux. Alors, ils sont pas toujours sous forme de quadrillage. Là, c'était un espèce, c'est quoi, un hexagonal ? Un hexagone. Un octogone même. Un octogone. C'était 8 côtés. Et en fait, il y a plusieurs sorties. Et donc, bah, si tu le regardes comme ça, tu vois bien que la moitié, il y a l'ombre d'un poteau qui le gêne. Donc, tu vois que la moitié du dessin. Et vu qu'il y a beaucoup de possibilités, en changeant le niveau de l'eau, tu fais monter. Et en fait, tu te rends compte que le panneau, il se reflète dans l'eau. Mais suivant la hauteur où il est. Donc, voilà. Et donc, tu vois, c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade. C'est bien pris la tête. Hein. Ouais, ouais, franchement. Et puis, bah, du coup, tu te mets à voir des signes partout, quoi. Comme en amour. Après, tu vois plus que des canards. On est parano, là, à la fin. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. T'as tendance après à regarder partout. Voilà, je sais pas, tu veux rajouter des choses ? Bah écoute, pas forcément, si ce n'est que je trouve, sans vouloir me vanter, que nous avons fait un bon travail d'équipe. Oui, non, carrément. Carrément, il dessinait au fur et à mesure et tout. Ouais, vous pouvez voir les preuves sur Twitter. On avait posté une photo des croquis où bah, je l'accompagnais dans ses déboires avec ses énigmes. Carrément. Tiens, si je voulais rajouter un truc, parce qu'en fait, le créateur donc de The Witness était très inquiet quand le jeu est sorti, parce qu'en allant sur un site très connu de téléchargement de peer-to-peer, là, il a vu que The Witness était le jeu le plus téléchargé du moment. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'industrie du jeu vidéo, surtout dans les jeux indépendants, c'est les gens ont une base de départ, une somme, ils créent un jeu. C'est un investissement. Le jeu, s'ils ne le vendent pas, ils n'en feront pas après. C'est mon téléphone qui fait des interférences. Hop, le jeu, ils n'en vendront pas. Et donc, bah, lui, il était très inquiet parce qu'il s'est dit, voilà, il a fait Braid qui a bien marché, il a créé The Witness et avec cet argent, enfin, avec l'argent de Braid, il a créé The Witness et avec l'argent que rapportera The Witness, il aimerait bien en faire un autre de jeu, le gars. Bah, il n'a pas envie de retourner en charcuterie comme avant. Et donc, voilà, il était hyper inquiet. Et en fait, juste après, genre le lendemain ou quelques heures plus tard, il a retweeté en disant non mais en fait c'est bon parce que le jeu c'est un carton plein en fait. Donc voilà, il me regarde avec un air. Voilà, donc il était inquiet mais il ne l'est plus parce que son jeu s'est bien vendu et il a dépassé, okay. En une journée il s'est vendu autant que Braid dans un an. Pouh. Ah ouais. Ah, il y a un clocher qui sonne. C'est l'heure du casse-croûte. Ah. On va faire le top horaire avec ça. Il est 20h24, vous écoutez toujours La Voix du Geek. Le mec est sur Europe 1. Non, par contre, justement, je suis, bah, écoute, je suis super content pour ce cher monsieur là que le jeu se soit bien vendu. Mm. Parce que comme tu disais, ça fait des années, ça fait combien? Ça fait 7 ans, je crois, qu'il travaille dessus. Oui, ça fait 7 ans. Parce que quand on voit la complexité des énigmes, quand on voit comment tout se raccorde, ça serait tellement dommage que ce jeu ne marche pas, qu'il gagne pas d'argent avec, parce que c'est vraiment, j'allais dire presque un ovni. C'est tellement rare de voir des jeux aussi poussés, aussi détaillés dans, ben, dans justement ces fins détails, que tu te dis merde. Enfin, tout ce boulot pour rien, ça serait vraiment dommage. Ah oui, non, ça mais serait clairement. Vraiment dommage. Clairement. Après, on en a pas parlé, mais il y a aussi des puzzles qui sont. Alors là, on a galéré, qui sont. On en parlait juste avant au début d'émission, mais qui se faisaient en marchant sur des plaques lumineuses. Ouais. Donc faut imaginer le même puzzle, en gros avec le stick de gauche on se déplace et on dessine comme avec un stylo, sauf que là bah c'est en marchant dessus. C'est chaud. Ouais. On va passer mais ouais c'est chaud. Franchement c'est chaud. Ouais. Mais franchement voilà, je vous invite vraiment, dis-moi. J'allais parler, alors après c'est peut-être du spoil, on en parle ou pas des moments des zombies et des monstres avec les mitraillettes. Ah oui si. Des alors, moments philosophiques parce que c'est quand même une grosse partie du jeu ça. Alors on va y aller doucement, mais sachez que c'est un jeu qui a l'air d'être rempli de secrets. On peut en dire un petit peu. Si vous voulez pas être spoilé, bouchez-vous les oreilles, faites autre chose. Ah attends, en même temps, merci Shadow Live pour le follow. Welcome. Ouais, bon, on trouve des espèces de putain, j'adore les oiseaux qui passent et tout. Nous sommes en pleine nature ce soir pour cette émission champêtre. Il y a des espèces de petits dictaphones qui te racontent des histoires et tu peux trouver des espèces de cassettes vidéo. Enfin, tu trouves pas une cassette, tu trouves un code que tu fais sur un écran et on n'en dira pas plus. Mais c'est assez philosophique et ça pose des questions. C'est un jeu qui pose des questions. C'est un jeu qui dérange, mesdames, messieurs. Non, mais c'est vrai. Êtes-vous ou n'êtes-vous pas un illuminatouille? Un illuminatouille. Mais je voulais dire illuminati, mais c'est sorti ratatouille. Bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà, c'est un jeu qu'on vous conseille. Juste, attendez peut-être un peu. Je l'ai payé combien? 29? Non, 36 euros. 36,99€. C'est peut-être un peu. Il y a un avion qui passe. Ouais. C'est peut-être un peu cher. 36,99€. C'est un jeu qui, dès la semaine prochaine, coûte deux fois moins cher. C'est sûr. Essayez de l'acheter légalement, si possible. Ah, je crois qu'il y a un pélican du Gabon qui arrive. Ah, quelqu'un, coco. Eh, Dylan! Viens ici, mon copain! Ah, merde! Viens ici! On s'est téléporté dans le... Et Hoffman de ses morts! Viens par ici! Viens par ici! La case de ses morts, je te suce! Je lui suce, pardon. Non, je suce personne, moi. Il saute. Moi, je suis un bonhomme, moi. Alors attends, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez vous faire raid, je crois. Ouais. On va se faire raid. Pourquoi donc? Je ne sais pas. C'est Shadow qui. Raid AID. R-E-D. Raid le ah film. Oui, se faire raid sur Twitch. Bah ouais, mais l'émission s'arrête dans 30, dans 4 minutes, dans 36 minutes, n'importe quoi. Non, on va se faire raid. Salut ouais. Twitch, tu veux me raid? Bah c'est trop tard, mais faites-le la semaine prochaine si vous voulez, ce sera cool à 19h. Même demain, hein. On est là tous les jours. Bon bref, en tout cas, c'est un jeu qu'on vous conseille, The Witness, une vraie expérience. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il ou mon téléphone? Parce que voilà, à côté de la table, il fait des interférences. Le planning. Alors le planning. Des streams, alors, attendez, parce que j'ai monté, voilà. Donc demain, nous sommes mercredi. Demain, on se continue The Witness. Aller au bout, je sais pas. Mercredi, donc demain, The Witness, toute la journée. Jeudi, on s'attaque, vu qu'il sort ce jour-là, on s'attaque à Agatha Christie. Ouais. Sherlock Holmes? Enfin, t'en fais une tête. Ouais. D'accord. Le jeu d'aventure, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je t'entends pas, je me fais du bien. Non mais il est complètement il pète les plombs le mec qui rote, il se touche, tranquille quoi. Mais non, t'entends pas ma petite commission? Non mais genre ça fait tu vois, enfin voilà. Ouais c'est bizarre, je crois qu'il y a des, il y a du monde au bout c'est du champ. C'est bizarre quand tu fais caca. Bon bref, toi, hein. Jeudi Agatha Christie, on va se tester ça. Bon je coupe vos micros parce que vous me faites chier. Voilà le pouvoir. Donc jeudi Agatha Christie, vendredi pardon, il y a Naruto toute la journée avec Kogu sur la chaîne. Ça va être cool. On le teste le mardi d'après dans l'émission. Après le week-end, je sais pas trop ce qu'on va faire. On n'a pas trop décidé. Le week-end, c'est un peu plus chaud. Ouais. Et oui, nous on stream la semaine et le week-end on a des vies de famille. C'est quand même bien fait. J'ai un anniversaire en plus samedi. Oh quel con. Et puis lundi, on verra peut-être The Witness si on l'a pas terminé. Il faut pas qu'on oublie qu'on a Resident Evil 0 sur le feu aussi. Ouais. Mardi en sortie, on a Assassin's Creed Russia. Oui, et Unravel. Unravel, pour l'instant. Pour l'instant, oui, on verra. Avant qu'il change de petit nom. Et puis, on a Firewatch qui sort, mais ça, ce sera la semaine prochaine. Donc, on verra. Ben voilà, je pense que c'est tout. Voilà, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Yes, donc demain, je sais pas, 9-10 heures du mat, moi, je serai sur The Witness. Puis, si vous en avez marre, on passe à un autre jeu. Il n'y a pas de souci. Bon, merci. Putain, se quitter sur un truc bucolique comme ça, de l'eau et tout, ça fait quand même zizir. Tu veux un Rotatoes? Non. Non, arrête avec ça. Toute la tu ne te touches pas, tu ne rôdes pas. Ça tu suffit. Ne te touches pas. Yes. Bon, à la semaine prochaine, les poulets. Ah ouais. Bah, carrément, ouais. Bon, bisous, Dandy. Bisous. Oh oui, bisous. On va aller courir nu dans le champ. Ouais, bah ça y est, moi j'ai déjà défait le bas. Et puis bisous, Goustique. Ben bisous à toi. Et puis comme je disais, la semaine prochaine, on fait l'intronisation de Tagazu et on fera celle de Kogu aussi dans l'émission. Soyez bien avec ça nous. Ça sent la connerie. Hein. On mettra la caméra de l'autre côté, comme ça vous verrez. La grosse connerie. Ça va être une grosse cérémonie, mesdames, messieurs. Ça va être un truc de ouf. Pour les replays sur le site d'Ode Radio, oderadio.net, sur PodCloud aussi. On est sur iTunes, la voix du geek, la voix avec un E. On est sur iTunes, n'hésitez pas à les faire un tour. Et puis, Facebook, Twitter, comme d'habitude, vous savez faire. Viendez nous mettre dans vos oreilles. C'est ça, viendez nous mettre dans nos oreilles. Et comme on dit, la radio, c'est mieux ici qu'à l'hosto. Allez, bisous, à la semaine prochaine, bye bye. Ciao. Ciao. Vous écoutez Ode Radio sur 91.3. 91.3.